matinée et les éclaircies reviendront par la côte dès le matin. Les maxima seront identiques à aujourd'hui et le vent soufflera de manière un peu plus sensible de sud à sud-ouest. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Les Diables Rouges à l'entraînement au complexe du Haillan à Bordeaux après leur victoire face à la Hongrie. Les titulaires d'hier sont restés à l'hôtel, mais Batshuayi et Carrasco, eux, sont présents. On rejoint Thierry Luters à l'entraînement dans une minute. On finira le journal à Wimbledon où Goffin mène en ce moment 2-7-0 face à Alexander Ward. Bemelmans, lui, a remporté le premier set face à Bellucci. Il vient tout juste de perdre le deuxième. Ce n'est pas encore les vacances pour tout le monde. Les étudiants en médecine passe en ce moment le fameux concours de fin de première. Namur s'y est collé samedi. Aujourd'hui, c'était au tour de Liège, Woluwe et Mons. Voilà ce que pense une des étudiantes de ces questions du jour. C'est tellement compliqué que je pense que les gens répondront au hasard et ça choisira pas les meilleurs médecins en fait, mais juste ceux qui ont eu de la chance. Des étudiants qui ne seront pas fixés avant le mois de septembre. Les communes vont à nouveau pouvoir investir dans les routes, les crèches, les écoles communales. Belfius, la banque des communes qui le dit, les investissements repartent à la hausse après 2 ans de stagnation. Et enfin, ce journal aura quand même un tout petit air de vacances puisque nous joindrons en fin de journal le porte-parole de Touring pour être parfaitement prêt avant le départ. Autant savoir ce qui change pour les automobilistes dès qu'on passe la frontière. C'est le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les Diables Rouges de nouveau sur la pelouse ce soir. Ils s'entraînent hein, Cyril. Et on espère qu'ils profitent un peu quand même de cette victoire et de ces applaudissements généralisés après la victoire hier face à la Hongrie. 0-4 et une place en quart de finale. On ne s'en lasse pas de cette info. Thierry Luters, est-ce qu'ils sont tous sur le terrain ce soir? Bonsoir Manu. Ben, ils n'y sont plus parce que l'entraînement vient de se terminer. Déjà il y a quelques minutes. Eh oui. Et encore, comme vous l'avez dit dans les titres, seuls les réservistes, c'est-à-dire 12 joueurs, se sont entraînés aujourd'hui. Les autres sont restés à l'hôtel. Mais ça, c'est une coutume à J+1. Donc le lendemain d'un match des Diables Rouges, ils se sont quand même entraînés avec pas mal d'intensité parce qu'il y aura peut-être des places à prendre. Hein. Lukaku n'est pas super convaincant. On pourrait peut-être lui préférer dans un court terme Benteke. Il y aura aussi le problème Vermaelen qui est suspendu pour le match contre le Pays de Galles et Deneyer pourrait entrer en ligne de compte. Et puis carnet noir avec le décès d'Eric Reinhardt qui est décédé à l'âge de 50 ans. Il a fait un arrêt cardiaque hier après le match face à la Hongrie. Donc on est passé d'une émotion à l'autre du côté de la Fédération belge. C'était un employé de la Fédération et c'était le fondateur en 2012 de Fan Club 1895, la Fédération des clubs de supporters des Diables Rouges. Oui, merci Thierry. Alors les commentaires étaient unanimes hier soir et aujourd'hui pas une voix discordante hein, sur le match des Diables. Vendredi, ils doivent s'attendre à quoi face au Pays de Galles? À titre personnel, vous êtes content de rentrer à Lille? Ouais, on se rapproche du pays et je crois d'ailleurs que c'est un match que les Diables vont quasiment disputer à la maison. Je crois que les tickets sont en train de s'arracher, même si officiellement c'est sold out avec le quota atteint pour le supporter belge. On en attend 25 000 dans la fan zone, donc on va un petit peu prendre de l'air du nord, si j'ose dire, parce qu'il faut bien dire que jusque-là, les Diables ont plutôt joué dans la partie sud du pays, donc tout le monde est quand même content d'aller jouer un peu plus près de la patrie. Pays de Galles, difficile quand même. Pays de Galles, ce sera de la patrie. Pays de Galles, difficile quand même. Que la Hongrie, mais enfin ça reste un adversaire abordable, nonobstant la présence évidemment de la superstar mondiale, le joueur du Real, Gareth Bale. Merci Thierry. Hier, 4 millions de spectateurs belges ont regardé les Diables à la télé, plus d'1 700 000 sur la RTBF, les autres sur la VRT. Dans une heure, un huitième de finale de rêve, Italie-Espagne au Stade de France à Saint-Denis et puis Angleterre-Islande à 21h à Nice. On évoque le tennis en fin de journal. Les félicitations du jury pour les élèves de 6e primaire. 44 534 élèves de 6e primaire et de première différenciée ont réussi le CEB, le certificat d'études de base. Le CEB est indispensable pour entrer dans le secondaire. 44 534 élèves, ça fait un peu plus de 91% des candidats. C'est presque le même pourcentage que les dernières années. Le CEB existe depuis 8 ans et il faut pour le réussir 50% dans chacune des matières en français, en maths et en éveil. Et c'est en éveil que les enfants ont été les plus brillants en 2016. Cela dit, les examens, ce n'est pas fini pour tout le monde. En médecine, les étudiants en fin de première suent en ce moment sur le fameux concours de fin de première. Ce concours, c'est un test de sélection. Seuls les meilleurs cours de fin de première, ce concours, c'est un test de sélection, seulement sont disponibles. Les étudiants viennent tout juste de quitter l'auditoire. C'est vraiment un examen qui m'a stressé parce que c'est celui qu'on attendait depuis le début. Ici, niveau difficulté, c'était pas terrible. Il fallait quand même, en connaissant sa matière, ça se passait bien, quoi. Et vous ? C'était trash. C'était trash, pourquoi ? Quelle matière ? Physiologie et statistiques. C'est tellement compliqué que je pense que les gens répondront au hasard et ça choisira pas les meilleurs médecins, en fait, mais juste ceux qui ont eu de la chance. C'est le jour le plus stressant de toute votre année, celui-ci ? Non. Il est stressant, mais on a déjà prouvé tout ce qu'il fallait avant avec nos examens. Et donc voilà, c'est quelque chose de dur à passer. Et ce qui est triste, c'est que ça va déterminer toute notre année, alors même si on a réussi nos examens de juin, quoi. Donc c'est ça qui est triste. Et j'ai peur, en fait, que des personnes qui n'ont pas ce rêve, mais qui font ça juste parce qu'ils estiment qu'ils ont les capacités, réussissent et pas nous, quoi. Alors que nous, c'est vraiment notre rêve. Des propos recueillis par Charlotte Legrand et les étudiants ne seront donc pas fixés avant le mois de septembre. Construire des routes, des crèches, réparer des bâtiments en mauvais état, ça devrait être possible à l'avenir en Wallonie et à Bruxelles. En la Banque Belfius, la Banque des communes vient de publier son étude sur les finances locales et ce qu'on retient, c'est qu'en matière d'investissements locaux, eh bien ça va mieux, beaucoup mieux. Les investissements sont en hausse. 6 milliards pour 2016, 2,2 milliards pour la Wallonie, 800 millions pour Bruxelles. Alors tout cela, ce sont des projets, bien sûr, tout ne sera peut-être pas dépensé. Le responsable des études sur les finances locales de la Banque Belfius parle tout de même d'un léger mieux. On écoute Arnaud Dessoy. En fait, il s'agit plus d'une reprise des investissements après deux années de très forte réduction de 15% successives. Et donc, il s'agit plutôt d'un retour à la normale du niveau des investissements des communes wallonnes. Alors, justement, les investissements vont être en hausse. Ils sont déjà un peu en hausse aussi, alors que les infrastructures n'ont jamais été dans un si mauvais état. Comment est-ce qu'on explique ça ? Ben justement, je pense qu'il était grand temps de pouvoir redynamiser le niveau des investissements et d'entretenir le patrimoine communal, notamment la voirie, et qui en a bien besoin. Arnaud Dessoy de la Banque Belfius avec Martin Bilterreis. Les communes qui doivent faire face depuis vendredi à un nouveau phénomène, les communes bruxelloises en tout cas, elles voient arriver des résidents britanniques qui demandent la nationalité belge. Hélène Maquet et Anne-Carole Severne sont allées voir ce qui se passait à Ixelles et au Woluwe-Saint-Pierre. Derrière son guichet de l'état civil, à la maison communale d'Ixelles, Christian Duchâteau reçoit les demandes d'acquisition de la nationalité. Vendredi matin à 7h22, j'ai reçu déjà un premier mail d'une Britannique demandant pour pouvoir... À Woluwe-Saint-Pierre, le bourgmestre Benoît Sorex est témoin des mêmes demandes. Ah, les gens sont même venus avant l'ouverture des guichets pour être sûrs de pouvoir que leur dossier soit traité ce matin. On a eu une dizaine de personnes qui sont déjà venues demander des renseignements. Nous en avions eu 3-4 vendredi, donc précédente. Jusqu'ici, les Britanniques ne cherchaient pas à acquérir la nationalité belge, pour laquelle il y a des conditions à remplir. C'est la résidence de 5 ans ici en Belgique, le fait de prouver son intégration au niveau économique et de parler une des langues nationales. Et c'est le cas de nombreux résidents britanniques. C'est ce que sous-entend la bourgmestre d'Ixelles, Dominique Dufourny, 1500 Britanniques, habitent sa commune. Ce sont vraiment des familles installées dont les enfants sont à l'école et dans l'attente, autant se sécuriser si on veut rester. Les ressortissants britanniques sont inquiets. Derrière son guichet d'Ixelles, Christian Duchâteau l'a constaté. De manière générale, les gens sont paniqués et qui se demandent vers où ils vont aller. Après avoir introduit la demande de nationalité, il faut 4 mois. Pour obtenir une réponse. Le Brexit qui inquiète les Britanniques de Belgique, alors que peu de choses, en fait, risquent de bouger très très vite. En tout cas, de toutes parts, on entend une seule expression aujourd'hui, c'est « pas de précipitation ». Même les pro-Brexit ne semblent pas pressés de négocier la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Boris Johnson, le leader du camp pro-Brexit, demande d'éviter toute décision précipitée. Même discours côté européen. Angela Merkel reçoit François Hollande, Matteo Renzi et le président du Conseil européen Donald Tusk pour une réunion informelle. Mais là aussi, la chancelière allemande demande d'éviter toute précipitation. J-4 pour les vacances. Vendredi, samedi, vous serez nombreux sur les routes. Oui, 95% des familles avec enfants de moins de 12 ans vont voyager en voiture plutôt qu'en avion. Question de sous d'abord, de place pour les bagages dans le coffre ensuite, et d'inquiétude aussi par rapport aux attentats. Les gros départs sont prévus vendredi et samedi, même s'il n'y aura pas tant de monde que ça sur les routes. Avec nous, Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour partir sérieusement et en confiance, on sait qu'il faut faire réviser sa voiture, les pneus, l'eau, l'huile, tout ça, on sait déjà. Mais il y a peut-être deux ou trois trucs qu'il vaut mieux savoir si on quitte la Belgique en matière d'équipement. Il y a des choses qu'il faut avoir absolument quand on est dans certains pays. Un exemple, les permis de conduire. Ils doivent être européens si on passe la frontière. C'est préférable. Les permis qui datent d'avant 1989 restent valables, mais toutes les polices ne sont pas au courant. Et donc, il est toujours préférable d'avoir un permis le plus récent possible. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut savoir. Par exemple, si on part sur Paris, il faut savoir que de 8h à 20h pendant la journée, les voitures qui datent d'avant 1997 ne sont pas admises. Le GSM, c'est une législation récente, mais quand on a un GSM, c'est ou avec un car kit prévu dans le véhicule, mais les oreillettes ne sont plus permises non plus. Donc ça dépend d'un pays à l'autre. La Suisse, il faut allumer ses phares, les feux de route en permanence. Il faut aussi éteindre son coyote en Suisse, son appareil là, qui signale exactement les radars ou les ralentissements. Tout à fait. Il n'est pas, dans plusieurs pays, il est défendu. Donc vous risquez même une amende, voire une confiscation. Donc il faut certainement le dissimuler pour qu'il ne soit pas visible. Pour tous ceux qui aiment, et il y a beaucoup de Belges qui partent à l'étranger avec leur vélo, il faut savoir qu'il y a dans des pays comme l'Espagne, jusqu'à 16 ans, le casque est obligatoire. Donc il faut bien prévoir de prendre ses casques également. Les gilets de sécurité, il doit y en avoir un par personne. Ils doivent être dans l'habitacle, notamment pour la Suisse. Vous pouvez trouver sur le site de Touring, on a rassemblé dans tous les pays d'Europe qui ont énormément de succès pour les voyages en voiture, nous avons toutes les réglementations qui sont réunies. D'accord. Alors, il y a moyen aussi de gagner du temps quand on part en vacances. Il faut pour ça s'organiser un peu avant le départ, c'est-à-dire qu'il faut y penser là maintenant tout de suite. Par exemple, pour les péages en France ou des vignettes, par exemple, on peut commander ça à l'avance. Tout à fait. Vous pouvez trouver ça sur Internet et vous pouvez trouver que ce soit des vignettes ou que ce soit des télépayages, même pour l'Italie. Et donc oui, ça c'est quelque chose qui peut vous servir pour éviter les embouteillages et avoir les passages prioritaires. Merci Monsieur Stefani, porte-parole de Touring. Touring qui préconise, je le rappelle, de prévoir une halte, une vraie halte dans une auberge ou un hôtel quand on fait plus de 800 kilomètres. Retour sur la pelouse, mais pas celle de foot cette fois, plutôt du tennis. Oui, Wimbledon vient de commencer avec la victoire sans surprise du numéro 1 mondial, Novak Djokovic face à James Ward. Djokovic qui a déjà remporté trois fois le tournoi en 2011, 2014, 2015. Alors on va retrouver à Wimbledon Christine Anquet, quatre Belges jouent aujourd'hui. Flipkens l'a emporté. En ce moment, David Goffin et Ruben Bemelmans sont sur les courts. On commence par qui, Christine? Par David Goffin? Rien pour vous contrarier, on va commencer par Kirsten Flipkens pour vous rappeler qu'elle a battu l'Américaine Nicole Gibbs 6-3, 6-1, donc ça a été très très bon comme prestation de sa part. On n'a pas trop de doutes sur le fait que David Goffin va très bientôt l'accompagner au deuxième tour puisqu'il domine logiquement et largement le Britannique Alex Ward de 7-0 et break dans le troisième. En détail, cela donne pour David Goffin 6-2, 6-3 et 4-2, donc tout se passe bien pour le 11e joueur du monde face au 245e. Alors le troisième Belge du jour, c'est Ruben Bemelmans. Il est issu des qualifications. Il rencontre le Brésilien Thomas Bellucci. Ça avait bien commencé puisque Bemelmans avait pris le premier set 6-3. Il a perdu la deuxième manche 6-4. Il a un break de retard dans le troisième set. Et puis Janina Wickmayer jouera un petit peu plus tard contre la Tchèque Karolina Pliskova. Ça, ce sera difficile parce que son adversaire est tête de série numéro 15. Merci beaucoup, Christine. On sait que vous courez entre les matchs et les conférences de presse des joueurs. Ça va être chaud pendant les jours qui viennent pour vous. La suite, c'est bien sûr dans le journal des sports à 18h avec le tennis et le match Italie-Espagne. Eh oui, 5 à 7 raccourcis aujourd'hui pour pouvoir suivre ce match Italie-Espagne. Est-ce que vous avez un pronostic? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une robe belge, noire, jaune, rouge. Ah ben, très belle robe, Manu, ça vraiment. Ça me fait plaisir. Ah oui. Mais pour tout à l'heure, vous serez quelle couleur?

5 à 7 avec Cyril. Bon ben aujourd'hui on vous ment un petit peu. C'est pas jusqu'à 19h, ce sera jusqu'à 18h, mais c'est pas qu'on ferme à 18h, enfin pas la boutique. Tout à l'heure vous aurez droit à un bleu blanc diable spécial dès 18h pour suivre ce match tant attendu. Italie-Espagne. D'ailleurs vos pronostics, qui va gagner et à combien? Bah 30-63 par SMS. Vous me le dites, pour le moment vous êtes plutôt en faveur, comme vous Manu tout à l'heure, de l'Italie. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup d'Italiens dans les auditeurs. Est-ce que les Espagnols ont délaissé Vivacité? Ça c'est une question. Est-ce qu'il y a de l'Espagnol derrière sa radio cet après-midi? 30-63, montrez que vous êtes là, vous aussi. Et puis même si vous n'êtes ni Italien ni Espagnol, vous pouvez avoir un pronostic pour le match de ce soir à suivre donc dès 18h en direct sur Vivacité. Au programme de cette émission, on reviendra forcément sur le foot avec cette belle victoire. Hier, ça c'était bien de marquer 4 buts face à la Hongrie. Vous avez fait la fête Manu hier pendant un le match? Un peu, avec les voisins. Ah ben, hein, ça c'est, au moins on se rassemble, au moins même le voisin qu'on connaît pas, à qui on parle pas d'habitude, sur un 4-0 comme hier, eh ben on va lui serrer la main, on lui claque la bise et on passe la soirée à échanger une petite bière et on se fait plaisir. On reviendra sur cette victoire des Diables Rouges tout à l'heure dans le Journal des Diables. Comme tous les lundis, Ophélie Fontana sera là pour le Journal des Diables. Il y a un artiste qui marche très bien en ce moment, il s'appelle Kungs et tout à l'heure il sera l'invité de ce 5 à 7. Imaginons que vous découvriez à l'instant ces quelques notes de musique. Rassurez-vous, vous aurez l'occasion de les entendre, les réentendre encore tout au long de l'été. Je pense que ça, c'est le tube de l'été. Kung sera là tout à l'heure pour en parler. Et puis, on va s'intéresser toute la semaine et aujourd'hui aussi à Michel Polnareff. Michel Polnareff qui fait son retour sur scène, il sera au Francofolie, entre autres, le mardi 19 juillet. Si vous voulez gagner vos places, bah dès maintenant, vous pouvez vous inscrire. Vous m'envoyez Michel par SMS au 6003 et le 19 juillet, vous serez au Francofolie de Spa pour applaudir Michel Polnareff sur scène. Donc Michel par SMS au 6003 et tout au long de cette émission, bah vous jouez. Tout à l'heure, on saura qui repart avec ces deux places de concert. Je vous souhaite bonne chance. Et pour démarrer ce 5 à 7 aujourd'hui, on va parler d'une star, une star qui fait son retour, Michel Polnareff, vous allez entendre parler. J'ai cru que vous parliez de moi. Mais aussi, bonjour Régine, comment bonjour ça va? Bonjour Cyril, je vais bien, merci. Ça fait plaisir de vous accueillir dans le 5 à 7. Ah ben, ça me fait plaisir de venir. Ah ben, vous venez quand vous voulez, vous savez, cette semaine on va vous retrouver tous les jours, ouais. Puisqu'on va parler de donc, cette star qui fait son retour. Alors, il y a une image dingue autour de Michel Polnareff et il va enfin revenir en concert chez nous. Il y a une grosse actu avec un livre aussi qui sort. Parlez-nous de Michel. Alors, Michel Polnareff, il est revenu en 2007. Hein. Là, ça, c'était vraiment le gros événement parce qu'on n'avait plus de nouvelles de lui. On entendait dire tout un tas de choses, qu'il ne reviendrait jamais, qu'il était devenu fou, etc. Il n'était pas en pleine forme à l'époque. Hein. Ah bah écoutez, en 2007 quand même, il avait donné une série de concerts qui étaient assez appréciables. Hein. Bon alors, chacun a un avis là-dessus et à boire à manger dans les concerts. Mais enfin, moi j'avais vu le concert à Forêt Nationale et c'était quand même assez impressionnant. Alors depuis, on attend un album qu'il nous promet depuis longtemps. Visiblement, l'album, il n'arrive pas à le terminer parce qu'il est très très exigeant. Ouais. Et qu'il a passé 19 mois quand même en Belgique à l'ICP qui est un studio. Il a bossé beaucoup dessus quand même. 19 mois, c'est énorme hein, en studio. Mais voilà, c'est pas encore au point comme il le voudrait. Il reste quelques titres à finaliser. Donc du coup, on attend l'album mais ça n'empêche pas de revenir sur scène. Ça et c'est bien déjà. Il sera le 19 juillet au Francofolie de Spa et le 18 novembre à Forêt Nationale avec donc deux concerts qui seront différents hein, puisque en festival, un en salle, ce sera un peu différent. On l'a vu il n'y a pas longtemps à la télé, il était à la finale de The Voice en France, il n'a pas beaucoup chanté. Alors est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a sa voix ou pas? Je pense qu'il va très bien. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai vu, il allait très bien. Et en 2007, quand il était sur scène, je peux vous dire que la voix, elle était là, quoi. Il dit aussi, on écoutera peut-être parler de ça dans la semaine, qu'il chante mieux qu'en 2007. Donc, il le dit lui-même. Il continue à prendre des cours, peut-être. C'est le fait d'être passé par The Voice. Peut-être que c'est ça, voilà. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, vous avez eu la chance de le rencontrer. Ouais. Et ça, c'était sympa. Vous l'avez rencontré où? Alors, on l'a rencontré à Versailles, dans un palace, hein, parce que c'est quand même Michel Polnareff. Hein, donc, il y a toute une imagerie. Il y a toujours ce côté bling-bling autour de lui, quand même. Oui, alors que finalement, quand il entre dans la pièce, c'est quelqu'un d'assez simple et de très gentil, très accessible, très disponible. Il dit bonjour à tout le monde. J'étais c'est avec Alain Mab et Sylvain Druard, les deux techniciens. Il les a salués avec beaucoup de gentillesse. Il est disponible, il fait un peu d'humour. C'est plutôt vraiment chouette et assez désarmant parce que finalement on s'attend à voir une star, vous voyez le côté un peu provoque et tout ça. Ouais. En fait non, c'est quelqu'un d'assez gentil et simple. On va lui faire passer une psychanalyse pour savoir pourquoi il a besoin de tout ça. Ah bah écoutez, si vous avez besoin de savoir des choses, il y a son autobiographie qui s'appelle Sperme. Oui, très beau donc, nom. Oui, qui est paru chez Plon. Et là-dedans, on peut comprendre pas mal de choses. On essaiera de comprendre aussi tout au long de la semaine. Et puis dimanche, on aura l'interview intégrale entre 13 et 14 heures. Là aussi, il va dire pas mal de choses sur son, son vécu et son passé qui peuvent expliquer... ceci ou cela. Eh ben, on suivra ça. Hein. Ben, bien sûr, j'écouterai. Et dans, donc, dans le 5 à 7, ce rendez-vous quotidien avec vous, on va parler de quoi avec lui aujourd'hui? Alors, il fait partie des artistes qui ont vraiment un lien très, très, très fort avec leur public, notamment grâce à Internet. En 96, déjà, Paul, je ne sais pas si vous voyez, en 96, Cyril, vous étiez tout jeune, mais... j'étais déjà là, mais effectivement, j'étais jeune. Internet, c'était quand même les balbutiements. Lui, ah oui, oui, avec le vieux modem, là. Voilà, il crée son site à lui et il entre en communication. Lui, ah oui, oui, il, avec le vieux modem, là. Voilà. Il crée son site de lui, donc c'est un peu voilà, donc c'était un peu curieux quoi. Et il va se surnommer, ou ils vont le surnommer l'amiral, et c'est Moussaillon. Ils ont formidable, mon public et moi-même, les Moussaillons, les fluos, les le grand public, il ne comprend pas de quoi on parle dans alors ces les cas. Moussaillons, ce sont les gens qui vous suivent. C'est les purs et durs. C'est sur les... Internet, hein, c'est depuis les, longtemps. Les purs et durs, les fluos qui sont un petit peu en bise-bise, c'est comme un derby, c'est, ils sont un peu en bise-bise avec les Moussaillons. Enfin, c'est bon, c'est des guerres internes, mais bon, sympathique. Il y a pas de danger de violence. Maintenant, je veux dire, c'est vrai que là, je suis vraiment, vraiment tellement heureux de ce spectacle qui vraiment rend des milliers de gens heureux, vraiment tous les soirs où on passe. Et je veux dire, Bruxelles n'y échappera pas, Spagne n'y échappera pas. C'est un formidable, formidable partage avec un spectacle qui est beaucoup plus léché que celui de 2007, mais qui n'empêche pas cette même complicité entre le public et moi-même. On est là pour dire au public, oui, on est tellement bon, on est là pour partager, c'est ce qui se passe tous les soirs actuellement. C'est dingue avec la carrière qu'il a, qu'il puisse encore dire, c'est encore mieux qu'avant, on a encore bossé. Il a l'air effectivement, comme vous le dites, tout simple. Oui, il reste enthousiaste et j'ai l'impression aussi qu'il reste généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne vient pas livrer son spectacle et puis empocher le cachet. Il y a quelque chose de vraiment généreux. À son public. Ouais. À demain, Régine. À demain. Demain, on parle de Michel Polnareff et puis aujourd'hui, vous repartez avec des cadeaux. Dans le nouvel album, voilà, vous allez pouvoir déjà revoir les classiques de Michel Polnareff. Notez bien la date, c'est le 19 juillet que ça va se passer, c'est tout bientôt, c'est dans quelques jours, mardi 19 juillet, il sera aux Francofolies de Spa. Et si vous voulez y assister à ces Francofolies et pouvoir chanter sur les plus grands tubes de Michel Polnareff, il faut m'envoyer un petit message maintenant. Vous m'envoyez Michel par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message. Et tout à l'heure, avant 18h, puisque l'émission est réduite aujourd'hui, avant 18h, c'est promis, je vous appelle et vous repartez avec vos places pour aller applaudir Michel Polnareff le 19 juillet aux Francofolies de Spa. Allez-y maintenant, donc Michel 6003, je vous souhaite bonne chance. On va faire une toute petite pause dans un instant, on revient avec Ophélie Fontana, c'est le journal des diables qui arrive. On saura tout ce qui s'est passé après le match hier que vous avez suivi, très nombreux d'ailleurs sur les antennes de la RTBF. Et puis il sera encore question d'un DJ, d'une star, il s'appelle Kung, il sera avec nous tout à l'heure. Ça. Quoi donc? Les soldes à Médiacité. C'est à partir du 1er juillet, avec non pas une, mais deux nocturnes. Le vendredi 1er et le samedi 2 juillet, jusque 22h. Et le dimanche? Le dimanche aussi, de 11h à 19h. Oh, incroyable! Médiacité. Shopping, loisirs, plaisir. Opération déstockage chez Big Mat Cataldo. Les blocs portes à prix d'usine. Des centaines de mètres carrés de parquet en promo. La nouvelle gamme de carrelage avec des remises de 30%. Prix aussi sur les bardages, bois de terrasse, dalles de jardin et meubles de salle de bain. Big Mat Cataldo, 16 rue Prébinet à Liège, à 20 mètres du boulevard Poincaré. Vous souhaitez avoir du style? Suivre la mode à moindre coût? Sabrina Boutique vous propose une large gamme de prêt-à-porter d'âme et homme. Sabrina Boutique, place de l'Hôtel de Ville à Herve, ouvert du mardi au samedi. Rejoignez-nous sur Facebook. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vivacité et la Une présente les Musicales de Belœil 2016. Place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les Musicales de Belœil, le 6 août et midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. Voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Bonjour à Wimbledon, la victoire de Goffin face au Britannique Alexander Ward. Le Liégeois de 25 ans s'est imposé 6-2, 6-3, 6-2 en un peu plus d'1h30 de jeu. Victoire aussi de Flipkens. Janina Wickmayer, elle, doit encore affronter la Tchèque Pliskova. Quant à Bemelmans, il a gagné le premier set face à Bellucci. Il vient de perdre le troisième et il avait perdu avant cela le deuxième. Le concours de fin de première pour les étudiants en médecine. Après leur examen classique, ils doivent passer ce test qui leur permettra d'obtenir un numéro INAMI et donc d'exercer le métier de toubib. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Après Namur samedi, 3 UNIF organisaient l'examen aujourd'hui. Liège, l'UCL et l'UMONS. Pour l'ULB, ce sera vendredi prochain seulement. Cette bonne nouvelle aussi pour les nids de poules sur les routes communales, pour les bâtiments brinque-ballants, les salles de sport qui fuitent. Belfius, la banque des communes, annonce que les investissements repartent à la hausse après plusieurs années maussades dans les communes. Plus de 2 milliards d'investissements en Wallonie, 800 millions à Bruxelles. Merci Manu. Prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 18h. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Tout de suite, comment ça roule Adrien Demey? Pas mal de difficultés en certains endroits, notamment en province de Liège, sur le 40 Bruxelles, l'Aix-la-Chapelle. Cet accident à hauteur de Halleur, la voie centrale est encombrée. En amont, ça ralentit entre O'Neill et l'échangeur de Lons-Saint, comptait une vingtaine de minutes perdues sur ce tronçon. C'était en direction de l'Allemagne. Au cœur de Bruxelles, il y a un accident sur la petite ceinture dans le tunnel botanique. La bande de droite est neutralisée vers le midi. Dans le tunnel Roger, également à la sortie du tunnel Roger, il y a un véhicule en panne qui encombre également la bande de droite. C'est en direction toujours de la gare du midi. Dans ce sens, ça ralentit depuis le porte de Halle, dans l'autre sens vers Kuckelberg, depuis Louise. Et puis sur le ring de Bruxelles, survolons les retards les plus conséquents, 17h32, environ 35 minutes supplémentaires. Tout au plus, le retard le plus conséquent, c'est entre Grand Bigard et Haut-Titre. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h. 5 à 7 sur Vivacité. Je vous ai demandé vos pronostics par SMS au 3063 pour le match de ce soir Italie-Espagne. Alors, il y a un message qui dit « Nous, on ira supporter l'Espagne à la Louvière ». Le message n'est pas signé, mais supportez bien, faites bien la fête. Mousse, il nous dit « Italie 1, Espagne 2, Italie-Espagne 1, 2 ». Vous êtes plutôt sur ce pronostic pour le moment, même si vous ne signez pas tous les messages. Quel est votre pronostic pour le match à suivre en direct tout à l'heure sur Vivacité dès 18h? Vous me le dites au 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Dans la suite de ce 5 à 7, qui est un 5 à 6, aujourd'hui puisqu'il s'arrête à 18h, vous allez repartir avec vos places pour aller applaudir Michel Polnareff. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire. Le concert, c'est le 19 juillet, il fait son retour, ce sera au Francofolie de Spa. C'est un événement, si vous voulez y assister, vous envoyez Michel maintenant par SMS au 6003, c'est là que ça se passe. Le journal des Diables aussi dans un petit instant. Juste après la pause, on retrouve Ophélie Fontana et puis cette aire de musique que vous entendrez pendant tout l'été. Derrière ce morceau, un Français, il est tout jeune, il s'appelle Kungs et il est l'invité de cette émission dans un instant. Essuie de sport ou essuie de bain. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Vivacité et la 2 présente les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux café racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport. Salut Julie, allez viens monte. Salut. Oh, t'as acheté le nouveau TomTom? Ouais, c'est comme si j'avais ma route privée pour aller au travail. Ah oui? Mais ça fait quoi? Eh ben ça fait... Waouh, je m'étais pas sentie comme ça depuis les années 90. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Roulez malin et découvrez le sentiment TomTom chez Vandenborg. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Une info incroyable, la DH double la durée de votre abonnement. Abonnez-vous maintenant 6 mois et recevez 6 mois entièrement gratuits. Oui, vous avez bien entendu, nous doublons la durée. Mais vite, vous avez 48 heures seulement. Offre valable uniquement ces 27 et 28 juin. Prêt à en profiter? Rendez-vous sur dh.be. Offre soumise à condition. Montagne, mer ou forêt cette année? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté. Le matin, la montagne, l'après-midi en forêt et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires ou pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Ne soyez pas hors jeu, préparez vos vacances avec Jaspers. 5 à 7 avec Cyril. 5 à 7 comme tous les lundis, bah c'est le journal des diables avec Ophélie Fontana. Bonjour Ophélie. Mais bonjour. Le week-end a été bon? Bah oui, parce qu'on a gagné. Ah bah oui, c'était pas mal. Euphorie hier quand même après la victoire des Franchement, diables. Franchement, moi hier soir, j'avais plus de voix, j'ai tellement crié. Il y a quand même eu 4 buts, donc non, c'était vraiment... Ah, c'était énorme. Hein. Ah ouais, non, vous criez là, quoi quand il y a un but? Bah je crie « Ouais, c'est but !» Comme beaucoup ça. Plus fort. Ah ouais. Parce que quand on est dans le vrai. Mais non, c'est pas possible, parce qu'il faut que je voie une action, il faut Regarde, que je vois du spectacle. Je fais des hasards, hop, je donne un petit coup, le ballon rentre. Allez-y. Voilà, c'est pas mal. Ça va faire plaisir aux ingé-sons. Donc, justement, on parle d'Eden Hazard, nouveau dieu. Bah oui, je sais pas si vous avez regardé la presse ce matin, après ces 10 tyrambiques avec Eden Hazard. Bah, il faut quand même rappeler qu'il y a 2 ou 3 semaines, il était le plus mauvais. La Belgique ça, était souvent. Nulle, Marquinhos. Ouais. Moi, j'adore ça, le volte-face possible dans la presse, c'est quand même magnifique. Et alors, il y a 2 ou 3 adjectifs qui sont quand même au-dessus de l'imaginable. Donc, ce matin, Eden Hazard est stratosphérique. Ouais, j'ai quand même été vérifié, hein, très précisément. Ça existe. Stratosphérique, ça existe. C'est la seconde couche de l'atmosphère terrestre qui se situe au-dessus de la troposphère. Ouais. A priori, hier, Eden, il était simplement sur le gazon. Ah oui, il a bien joué. Bon, voilà, juste exagéré. Parfois, et même à la RTBF, certains l'ont qualifié d'extraterrestre. Pourquoi pas? C'est très joli, mais c'est quelqu'un qui vit normalement en dehors de la planète Terre. C'est ça, a priori. Bon, ça, il est peut-être envoyé, après ça, on ne sait pas. Hein. Il y a peut-être la main de Dieu ou quelque chose, un truc bizarre. Puis il était aussi un petit peu plus modestement, mais c'est pas mal aussi, superstar. Ouais. Donc, voilà, c'est donc pas ça, son c'est... profil quand même, ça, le côté superstar. Ah non, il n'est pas du tout comme ça. En plus, bon, star, ça vient vraiment de l'anglais qui veut dire étoile. Alors bon, ça c'est vrai qu'hier, il a brillé. C'est peut-être finalement le qualificatif qui se rapproche le plus. Moi, j'aurais simplement dit... nous emmener au jardin d'Éden. Ah, c'est au bien paradis. Aussi, ça c'est joli. Voilà. Ouais, ça, c'est donc bien. Voilà, je trouvais ça assez extraordinaire comment la presse peut basculer, comment aussi... Ah ben après les avoir bien défoncés, ouais. C'est... Voilà, maintenant Eden Hazard c'est vraiment le roi, alors qu'il a souvent été critiqué dans la presse, mais c'est vrai qu'hier en tout cas, il a fait vraiment sans doute son meilleur match en équipe nationale. Et Il est à la une, ça c'est vrai, c'est le collectif, hein, comme tout le monde le répète, mais il est vraiment, c'est lui qui est quand même à la une aujourd'hui de tous les médias, où on le voit quand il est les genoux au sol, quand il a marqué son but et qu'il a fait sa fameuse glissade. Moi je rêverais de pouvoir un jour faire une glissade. Comme mais essayez, alors pas ici parce que mais c'est non, mais je peux pas tout essayer. Si je peux pas crier, je peux pas. Non, il y a pas d'herbe, j'ai pas de protège-tibia, j'ai pas de chaussettes, j'ai pas de short. On trouvera un moment. On va un jour essayer la glisse. On fera quelque chose avec du gazon. Vous savez, le gazon en rouleau là, on va mettre ça dans le couloir. Ça doit râper le genou, ça. On essaiera, vous nous direz. Alors après le match, Eden, il a répondu à des interviews, mais il a pas fait que ça après le match. Bah oui, quand vous disiez un instant, c'est pas du tout son profil de star, c'est exactement ça. Donc voilà, il a fait les formalités et une petite indiscrétion de quelqu'un qui était là dans les coulisses m'a dit, vous savez ce qu'il a fait juste après le match? Il est allé dans les tribunes, enfin voilà, sans doute à la descente de l'escalier, il est allé chercher son plus petit frère. Donc c'est vrai qu'on connaît Torgan, on connaît Kylian qui joue aussi au foot dans des clubs professionnels, mais il y a aussi Ethan, le petit dernier qui a 13-14 ans si je ne m'abuse. Il était là, il est venu voir son petit frère. Le grand est allé le chercher, il l'a emmené vraiment très protecteur, presque dans ses bras, dans la foule, il s'est faufilé pour l'emmener quelques minutes dans les vestiaires. Sympa. Voilà, il paraît que le gamin est ressorti avec la banane, ça aussi Eden Hazard. Un grand frère avant tout, avant d'être la star, de répondre aux interviews, etc. Donc il a voulu faire plaisir à son petit frère, et ça, moi, je pense que c'est vraiment un beau geste. Mignon. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que ça a échappé aussi aux médias, aux photographes. C'est juste, voilà, des journalistes qui étaient là dans les couloirs. Heureusement, qui ont vu vous ça. Avez l'info. Ah voilà, j'ai mes sources là-bas. Bien monsieur. Informé, j'ai l'impression. Ah ben oui, j'ai un petit œil de Moscou. Vous avez quelques chiffres à propos du match d'hier, de la rencontre. C'est vrai qu'il y a des tas de statistiques qui sortent après ce genre de match, et c'est vrai que voilà, il y a les statistiques purement sportives qu'on a déjà citées hier dans la foulée du match, mais il y en a quand même certaines qui sont impressionnantes. Donc, à votre avis, tous les Diables collectivement, combien de kilomètres ont-ils parcouru hier sur le terrain? Ah, c'est énorme. Je pense qu'ils feront une dizaine de kilomètres par joueur. Fois 11. Ouais, plus ou moins ça. D'ailleurs, on en était à 105 km. Et j'étais pas loin. Voilà, c'est pas mal. Ouais, vous commencez à vous y connaître. Je suis fier de vous. Il aura fallu une saison. Est-ce que vous savez. On touche au but, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous savez combien il y a eu de tirs hier? Beaucoup. De la part des Belges. Alors, 24 occasions. Ouais, 25 tirs exactement. Il y en a une où j'étais aux toilettes, visiblement. Ah, ben voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu gagner 0 à 25 si vraiment tout était rentré dedans. Vous imaginez quel score de dingue. Ça aurait été énorme. Ça arrive pas, ça. Alors, après ce match, et donc les 4 buts marqués hier plus ceux marqués dans les précédentes rencontres, nous sommes aujourd'hui la meilleure attaque de l'Euro. C'est pas vrai. Avec 8 buts marqués, on est devant l'Allemagne. Donc ça sent la finale Allemagne-Belgique, ça, ah non? Ah oui, directement, ouais. Bah, pff, oui, jusque-là. Ouais. Vous, je sais bien que vous préférez France-Belgique, mais bon. Quoi? Votre cœur. Il y a une partie de moi qui vient de là-bas, donc oui. C'est bien normal. Puis France-Belgique, on serait pas mal quand même. C'est vrai que ça, ce serait vachement chouette pour l'ambiance. Ouais. Ce serait plus chouette que Allemagne-Belgique. C'est compliqué après pour savoir qui... Oui, après on va se battre, à nous deux, là, ça va pas aller. Non, mais j'ai quand même... Regardez, je l'ai pas aujourd'hui, mais j'ai mon bracelet belge. Ah, voilà, c'est bien. Je supporte les Diables. Encore d'autres chiffres là qui sont tout à fait affolants et on se réfère de nouveau au portefeuille. À votre avis, estimation, le 11 des Diables, donc le 11 de base que vous avez vu jouer hier, ça représente combien d'argent avec tous les contrats, toutes les sommes? Ouh là là, ça doit faire quelques centaines de milliers d'euros. Mais vous, c'est quoi, sur une journée ou sur l'année? Non, leur valeur marchande, quel est le contrat des dettes? Millions, combien, voilà, on est à 328 millions d'euros, c'est ce que vaut notre 11. Vous imaginez. Alors la plus grosse répartition, c'est justement Eden, notre nouvelle star qui représente la plus grande partie de cette somme, 65 millions d'euros. Derrière Kevin De Bruyne, 60 millions. Et puis on a Romelu Lukaku avec 40 millions. Et en comparaison avec la Hongrie contre laquelle on jouait hier soir, le 11 de Hongrie ne vaut que 11,15 millions d'euros. Donc c'est 30 fois moins. Ah, ça se voit sur le pyjama du gardien. Ah voilà. On voit qu'on n'a pas le même budget. C'est ça qu'elle a fait avec ce pyjama, c'est tout de même magnifique. Et puis il n'avait plus l'air de première jeunesse non plus, monsieur. Ah, c'est le plus âgé de l'Euro. Il a plus de 40 ans, je pense. Oui, exactement. Mais il a quand même fait quelques beaux arrêts. Oui, c'est ça. Il n'est pas complètement éteint non plus. Mais vous savez pourquoi il a son pyjama? Parce qu'on en a parlé dans le 5 à 7. Non, ça par contre, je ne sais pas. C'est un training porte-bonheur parce qu'un jour, il avait oublié son short. Voilà. Il lui restait que ça et ce jour-là, ils ont gagné. Donc il l'a gardé depuis des années. Ah, génial. Sauf que je pense que là, maintenant, il va pouvoir changer de tenue. En effet. Et puis encore quelques petites statistiques. À votre avis, quelle est l'alimentation préférée du supporter de base, celui qui va dans le stade? Qu'est-ce qu'il mange le plus? Ah, qu'est-ce qu'il mange? On dit qu'une bière égale une tartine, donc il mange de la bière. Bah non, même pas. Quand même, là, je parlais vraiment en nourriture. Il y a 22% des supporters qui mangent des frites ou des chips. Ça, c'est le repas standard du supporter. Puis il y a quand même 12% qui choisissent le hamburger et un petit pourcent le hot dog. Personne salade? Il y a personne. Ouais, c'est bizarre, mais pour aller de temps en temps dans les stades de foot, il n'y a pas de salade. Voilà. Bon, tant pis. D'autres chiffres? Pas d'autres chiffres? Bon, non, là, je joue déjà fait. C'est bien. Oui, non, c'est pas mal. Un peu de musique, par contre. Ah, ça, c'est bien. Chaque semaine, de la musique avec vous. Et vous nous avez trouvé quoi aujourd'hui? Dans un autre style. C'est vrai qu'on était dans le populaire, dans le folklorique, juste à présent, vraiment des chansons de stade, mais il y a aussi d'autres artistes, des rappeurs qui s'y mettent. Et je vais vous parler de Axelance. Donc, c'est un rappeur bruxellois, originaire exactement de la commune de Berkem-Saint-Agathe. Il a 19 ans. Lui, Saint-Agathe. Son idole, Saint-Agathe. Oui. Voilà. Mais Saint-Agathe, c'est pas mal aussi. Hein. La commune de Berkem-Saint-Agathe, il a 19 ans. Lui, Saint-Agathe. Son idole, Saint-Agathe. Oui. Il lui a créé son hymne, rien que pour lui, ça s'appelle Call Me Benteke Benteke. On écoute. Benteke, Benteke, Benteke, Benteke, wow, Benteke. Allez, grosse recherche de paroles. Benteke, Benteke, Benteke, Benteke, Benteke, Benteke. Et ça marche plutôt même pas mal pour lui, pas mal de vues aussi sur YouTube. Et il a même, enfin, ça a même percolé jusqu'au club de Liverpool où joue Benteke, où ça s'est apprécié. Il y a eu des articles. Donc voilà, et certains lui prédisent une grande carrière parce qu'il a le flow, comme on dit. C'est pas mal. Donc, bah c'est vrai que, ouais, il y a quelque chose. C'est pas mal. C'est dans un autre style. C'est vrai que ça met moins d'ambiance dans le stade de foot que ce qu'on a pu entendre les semaines précédentes. C'est plus compliqué à chanter. Hein. Voilà, mais il en faut un peu pour tous les goûts et ça permet aussi de parler de Benteke vu qu'on le voit pas trop sur les terrains pour l'instant. Ben voilà, c'est quand même un petit... Si on devait faire un classement des différentes chansons... Mais moi j'avoue que j'aime quand même beaucoup la chanson de Kiki parce qu'elle reste dans la tête et voilà, on va gagner pourquoi parce qu'on est venu pour ça. On va gagner pour qui pour amener la coupe au pays. Voilà, moi j'aime bien celle-là. La prochaine fois, je pense qu'il va nous appeler pour chanter avec lui. Ah oui. Après cette prestation. Un karaoké avec Kiki, ça me fait rêver. Ah, ça se peut. Ça peut être sympa. On va lui non, mais je la trouve sympa. Cette chanson, elle est accessible, les paroles, voilà, sont fun. C'est tout à fait le. Voilà, c'est dans la lignée du grand Jojo, ce qu'on chante après une fête avec une bière et un pain saucisse. On est dans le foot, quoi. Vous touchez des droits sur les vues sur YouTube. Bah non, même pas. J'aimerais bien. Franchement, on en parle à chaque fois de son truc. Il a pas mal, plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube. Kiki, donc ça marche pas mal pour lui aussi. Je sais que vous parliez de plusieurs centaines de milliers d'euros. Bah non, pas encore. Même pas. Enfin, je crois qu'il en faut plus, malheureusement, pour gagner beaucoup de thunes. On lui demandera un moment, on l'appellera un jour pour savoir s'il a touché de l'argent avec cette histoire. Comme vous dites. Merci Ophélie. À la semaine prochaine ou vous êtes en vacances? Bah non, je serai là. Vous serez là, et moi je serai pas là, moi je serai en vacances. Ah, et vous serez avec Lucas. Connais pas, un petit nouveau. Est-ce qu'il s'y connaît en foot ou c'est comme vous? Vous verrez ça avec lui la semaine prochaine. Ah, petite surprise, ok. Bonne soirée Ophélie. Ciao. Ma fille, elle fait de l'équitation. Ah oui ? Mon fils, du VTT. Ok, mais ma fille avec l'internat, elle va au cinéma. Et mon fils avec le sien, lui, il va voir les taloches ? Les temps ont changé, l'internat aussi. Ces activités et bien d'autres sont proposées par les internats de spa. Louise Weiss pour les filles, le Britannique pour les garçons, les internats de spa sont ouverts à tous. Aide à l'étude, encadrement dynamique, discipline, cuisine savoureuse et tellement plus à découvrir et à vivre. Plus d'infos sur lesinternatsdespa.be. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Gaël. Vous avez tout pour vous. En été, Michel, ornithologue amateur... Oh, le joli Philoscopus colibita. ...apprend les chants d'oiseaux. Et Michel oublie de jouer au loto. Quoi ? Ah non ! Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. 5 à 7 sur Vivacité. Alors ça, vous allez l'entendre a priori pendant tout l'été, peut-être encore longtemps. Ça sent le très très gros succès pour Kungs et qui est avec moi cet après-midi. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Bah ça va super. Les potes, ils t'appellent Kungs, ils t'appellent comment? Ils m'appellent par mon prénom, Valentin. Valentin. Derrière Kungs, il y a donc Valentin qui est tout jeune et qui nous vient du sud de la France. Parle-nous un petit peu de toi avant qu'on parle de ta musique. Eh bien, j'ai 19 ans, comme tu viens de le dire, je viens du sud de la France, Aix-en-Provence. Il y a les Calissons là-bas? Il y a les calissons, ah, c'est bon, ça. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a tout quoi. Et alors tu t'es lancé dans la musique assez tôt, parce que 19 ans, il n'y a pas 12 000 stars qui ont 19 ans non plus. Et tu t'es lancé dans ce morceau. Comment ça se crée un morceau comme le tien? Est-ce que c'est un jour tu es dans ta chambre, tu es avec tes potes et tu dans ta tête, c'est comme ça que ça se crée ou Alors en fait ce morceau là c'est un espèce de remix d'un morceau soul, un assez vieux morceau, ouais. Et donc à la base c'est un morceau très lent, voilà, avec des rythmes très lents, et du coup en fait j'ai récupéré la piste de base et j'ai fait justement cette mélodie là moi-même avec le drop, la trompette, etc. Et du coup après on a eu l'accord des artistes originaux, donc un groupe australien, et donc j'ai pu faire le truc plus proprement avec les guitares séparées, les voix séparées, d'accord, et voilà. Et donc en fait j'ai rajouté ma petite signature, quoi, ma petite patte. Alors tu tournes partout sur toutes les radios et pas que en Belgique, hein, ça marche plutôt bien pour toi en ce moment. Ça se passe comment entre la période où tu bosses sur le morceau et puis là maintenant où c'est juste un hit qui cartonne partout? Tu y crois à ce moment-là, tu te dis c'est bon, là j'ai le truc qui va faire que cet été tout le monde va bouger? Ouais, c'est pas ce que je me suis dit au début, hein, mais bon, c'est arrivé tellement rapidement en France, ça a explosé super super vite. Du coup, je me suis dit ouais, là j'ai peut-être le morceau qui va faire changer ma carrière, quoi, enfin débuter ma carrière, ouais, au niveau international. Et ouais, c'est assez impressionnant, quoi, du jour au lendemain, du coup pas mal de tournées, beaucoup de promos, de radio, de télé. Donc c'est vraiment ma vie qui change, quoi. C'est un rêve que je vis, quoi. Et t'as plus de potes avant? T'avais plus de potes avant ou maintenant que ça marche super bien? Est-ce que t'as des anciens copains qui te recontactent en disant mais tu te souviens, on était en classe? Oui, j'ai eu ce genre de, ouais, ce genre d'événement, mais je m'en fous. Enfin honnêtement, je garde mes amis que j'avais avant de faire de la musique et ça se passe très bien comme ça, quoi. J'ai pas besoin d'avoir plus de potes. Et c'est plus facile pour les relations amoureuses ou pas d'avoir? Je pose la question parce que sinon je vais me mettre à la musique. Si ça aide, je peux essayer avec un synthé faire un truc. Pour les relations amoureuses, non, ouais, c'est beaucoup plus compliqué parce que bon, du coup, on peut pas tomber amoureux quand on est tout le temps aux quatre coins du monde. Ah, je vois ce que tu veux dire. Voilà, t'es pas amoureux, mais tu n'es pas tout seul non plus en fonction d'où tu vas. Après, voilà, bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps non plus de faire ça, mais bon, disons que ça aide un peu, quoi. T'as plus d'amis sur Facebook, t'as plus de copines, ouais, qui viennent autour de toi, quoi. Exactement. Pas se mentir. Alors le single, c'est un gros carton. La suite pour toi, ça va être quoi? Alors c'est le prochain single du coup qui arrive fin juin. Ouais. Voilà, donc ça fait un petit moment que je travaille dessus. J'étais en studio pour un peu le peaufiner récemment et puis un album à la rentrée. Ah c'est bien. C'était pas de vacances alors, quoi. Bien pas occupé vacances, pendant non, l'été. Pas de vacances, beaucoup de dates et beaucoup de production aussi en même temps que les tournées, quoi. Et quand on fait un succès comme le tien, est-ce qu'il y a une pression? Est-ce qu'il y a derrière une maison de disques qui dit le prochain single, il faut que ce soit une bombe, mon gars? Bien sûr, évidemment. Enfin là, la pression, c'est les radios qui me la met, quoi. La pression. Et ça va être de notre faute là. non, mais du coup, j'ai acquis une place en radio et c'est génial, quoi. C'est une énorme chance et du coup, j'aimerais bien la garder cette place et pour la garder. Il faut que les prochains assurent aussi et je travaille pour et normalement je pense que ça devrait le faire. C'est quoi la mélodie des prochains? La mélodie, ouais. Nous le faire? Non, non, non. Je allez, non, tu fredonnes jamais? Ça va être catastrophique. Qu'il te faut la machine, mais il faut de l'ordinateur pour faire la musique, mais tu fredonnes pas en public? Non, je fredonne pas. Non, peut-être sous la douche des fois, mais quand je suis seul, quoi. Seul, parce que sinon on aurait amené une douche. Merci beaucoup, Valentin, d'être passé cet après-midi dans le 5 à 7. On te souhaite plein de bonnes choses et puis prochain single, tu reviens nous voir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et à très bientôt, bon après-midi. Merci beaucoup. C'est sûr, de Kungs, on passe à Michel Polnareff, c'est pas la même chose, mais vous allez pouvoir aller le voir en concert, Michel Polnareff. Toute cette semaine, dans le 5 à 7, je vous offre vos places pour aller le 19 juillet, dans quelques jours à peine, au Francofolie de Spa. Si vous voulez y être, il faut m'envoyer Michel par SMS au 6003. Alors pas maintenant, on remettra ça demain en jeu, parce que maintenant, j'ai Claire qui est avec moi au téléphone. Bonjour Claire. Bonsoir. Comment ça va Claire? Super bien. Vous avez passé super une bonne bien. Journée? Oui. Ah alors je suis content. Je suis content en plus de la finir avec vous au téléphone, Claire, puisque vous êtes une fan de Michel Polnareff. Oui, depuis 66, je le suis. Je l'ai déjà vu 17 fois. Ah oui, donc vous le suivez vraiment, quoi. C'est-à-dire que la personne rentre à la maison, vous êtes derrière lui, quoi. Non, mais je lui parle par Internet, parfois, oui. On en parlait justement tout à l'heure avec Régine Dubois. Et il vous répond vraiment, alors? Ah oui, il répond vraiment, oui. Oui, oui, oui. Et il est sympa quand vous lui parlez? Oui, il est sympa, oui. Il y a de l'hésitation, Claire. Il a une forte personnalité, moi aussi, donc. Ah, il y a des jours, voilà. Je comprends, il y a des jours où il est sympa, des jours où il est un peu plus fatigué. Voilà, tout à fait, c'est tout ça. À fait. Alors, ça va être la 18e fois que vous allez le voir, là, au Francofolie de Spa. Si vous me l'offrez, oui. Ben Claire, je vous les offre. Les deux places, elles sont pour vous. Super. Ah bah ça me fait plaisir. Je vous envoie ça très vite. Et donc, vous êtes l'invité de Vivacité au Francofolie de Spa pour aller voir Michel Polnareff le 19 juillet. Je vous fais des bisous, Claire. À bientôt. Super sympa. Merci. Avec plaisir. Et on remet ça demain, bien sûr, dans l'émission 5 à 7 raccourci aujourd'hui. Dès 18h, vous avez rendez-vous avec Bleu Blanc Diable. Et ce match à suivre, Italie-Espagne, c'est dans les prochaines minutes sur Vivacité. Avant ça, voici le cactus de Jérôme de Warzé. Cactus donc, Jérôme, cette soirée de folie hier aux quatre coins du pays, après la performance exceptionnelle. Mais taisez-vous, ton père, Charmin, taisez-vous, l'heure n'est pas en rodomontade littérale, ni même celle de laisser libre cours mes pulsions textuelles. Nous sommes en quart de finale, quelle victoire, quelle promenade, quelle boucherie. Les diables ont été virevoltants, pugnaces inspirées, décisives. Et des Hongrois, que dire, le seul qui fut un temps soit peu inspiré, c'était le gardien de but qui avait mis son pyjama. Prévoyant, il savait qu'il allait devoir aller se coucher souvent. Alors, figurez-vous qu'hier soir, j'étais au clubhouse du tennis de la Hulpe. Ah bon ? Pour vivre le match entouré de fervents supporters déchaînés, nous étions installés dans deux salles disjointes, mais l'écran de la première salle accusait un retard d'une bonne minute sur celui de la deuxième. Ah non ! Ce qui a donné lieu à d'intenses frustrations lors des premiers buts. J'étais évidemment dans la mauvaise salle, hein, vous pensez bien. Quel tableau ! On entendait sans supporter hurler de joie dans la salle d'à côté, alors que devant nous, Vermaelen obtenait une touche. Ils sont chauds à côté, réagir comme ça pour une touche. Qu'est-ce que ça va être quand on va marquer ? Bon, le premier but, le deuxième, on a commencé à s'habituer. Mais le troisième but était si proche du deuxième qu'à un moment, on a tous hurlé ensemble, mais pas pour le même. Alors quand Carrasco a planté le quatrième et qu'à côté, ils avaient déjà profité des 16 ralentis, nous avons hurlé, eux pensant bien sûr qu'ils avaient raté le cinquième, on n'en sortait plus. Et alors, quand j'ai découvert qu'il y avait une salle en bas, avec des dizaines de supporters qui regardaient en direct Belgique-Suède, j'ai dit au patron, écoutez, mettez vos écrans à jour. Là, ils vont voir débouler le roi Baudouin qui viendra annoncer ses fiançailles avec Fabiola. Bon, j'avais peut-être un peu forcé sur la sangria pour une fois, enfin bon. Soit Eden Hazard. Eden Hazard, un feu follet. Il avait des spikes, ses adversaires des sabots aiguilles. Il virevoltait, il bondissait tel un mouflon aguerri sur les pentes escarpées d'un pic enneigé. Je crois qu'à un moment, fugacement, je l'ai vu voler. Suspendu, il planait, le cuir collé aux pieds. Il volait, Benjamin. Notre défense, beaucoup de flamands, certes. Mais confier les clés de notre défense à des flamands était un gage de victoire. Du temps de Flao, on se serait fait bouffer, mariner dans la goulache. Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, impérieux et sec sur l'homme Meunier, Meunier. Quel physique, quel bel homme. Il n'aurait pas déparé dans la série Les Tudors. Ah, Meunier, un Tudor, pardon, pardon, l'allégresse, la jubilation. Et Axel Witsel, il a ratissé plus de terrain en 90 minutes que toute la police belge pour la traque d'Abdeslam en 3 mois. Sans oublier notre récupérateur, Raja Nainggolan. Quel abattage. Maintenant, Nainggolan, plus personne ne mégote. Vive le tabac, fumons tous, fumez les enfants, dites votre plus. On nous ment depuis des années. Et que dire de nos avant-de-pointe Carrasco? Vous l'avez entendu à l'interview, heureusement qu'on jouait tard. Oui, j'ai attendu qu'on me la mette. Alors bravo, bravo Yannick. Et quand on lui demande son ressenti sur Batshuayi, ah, il est super bien monté, Batshuayi. Monsieur Carrasco, déjà qu'il embrasse Noémie Appart après un but en finale de Ligue des Champions. Oui. S'il inscrit celui victorieux de la finale de l'Euro, il va enjamber la balustrade pour nous la féconder, la Miss Belgique, en direct. Ah, c'est d'une image. Kevin De Bruyne, Sarah. Kevin, votre Kevin De Bruyne. Bon, lui, par contre, ça ne va pas du tout. Merci. Ah non, ça ne va pas. Ça, il monte en puits, mais après 16 secondes, il était déjà aussi rouge que Maggie de bloc courant derrière un bus de Lane. Mais il monte en puissance. Ah, bon. Alors, Romelu Lukaku. Oui. Les spécialistes nous le crient à l'envi, il pèse sur la défense. Il pèse. Il n'arrête pas de peser, ce garçon. Mais mettez-le sur un marché matinal, puisque à la criée d'Ostende. Là, on manque de bras. Et les experts de surenchérir, oui, mais on ne le ravitaille pas assez en bon ballon. Mais alors lancez-lui des Kinder Bueno, qu'est-ce que vous... Là, il est dessus, j'ai les images, qu'importe. Ils furent tous grands, en route pour les demi-finales. Oui, pour les quarts, les Galeux viennent de déclarer forfait pour vendredi, la peur d'être humiliés. Les Anglais les raccompagneront dès ce soir avec tous les Irlandais du Nord, du Sud, de Basse-Sambre, de Haute-Campine. Faut dire qu'ils ont du boulot, les Britanniques. Hein. Reboucher le tunnel sous la Manche, ça va prendre du temps. C'est mais clair. Qui va nous arrêter maintenant? Qui? Le Brésil? Corée de Vils. Enlever le filet de bave. Mais non, oui, je bave, excusez-moi, il j'ai postillonné. On ne voit plus le micro, la table est maculée de mes déjections atrabilaires. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Vous étiez vraiment à la hule, Pierre? Oui, j'étais tout à fait à la hule. En décalage. J'ai peut-être un peu exagéré sur une minute. Vous êtes content? Vous comprenez? Bon. Non, mais oui, bon, alors, bon. Il y avait sans doute, mais bon, vous voyez. Et retenez qu'on ne fait compte pas les femmes. Mais non, je m'illustre en direct. J'ai retenu ça. Bon, c'est à voir sur la page Facebook du 8-9, évidemment. Le cactus revient demain matin sur Vivacité. Un petit coup d'œil à la météo tout de suite. Ça dit quoi? Eh bien, ça dit que la nuit prochaine, il fera progressivement sec, même si les nuages restent nombreux. On attend des minima de 9 à 13 degrés. Demain, quelques bandes brumes au lever du jour, puis à nouveau assez bien de nuages. Et s'il tombe quelques gouttes, ce sera plutôt sur l'est du pays en matinée. Les éclaircies reviendront par la côte dès le matin et les maxima seront identiques à aujourd'hui. Et le vent soufflera de manière un peu plus sensible du sud au sud-ouest. Bonne soirée sur Vivacité avec le foot. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Bonsoir tout le monde, vous écoutez Vivacité les 18h. C'est un phénomène météo particulier qui a soufflé le hall sportif de Jodogne jeudi dernier. Explication dans un instant. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne mais ne doit pas tourner le dos à l'Europe ou au reste du monde. Déclaration du Premier ministre britannique David Cameron était resté silencieux depuis l'annonce de sa démission vendredi. Et puis en sport, le début du tournoi de Wimbledon en tennis, David Goffin et Kirsten Flipkens se sont qualifiés pour le deuxième tour. Le journal vous est présenté par Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir David, bonsoir à tous. Jodogne se remet tout doucement de ses émotions après l'orage de jeudi dernier qui a provoqué l'effondrement de son hall sportif. Selon les météorologues, la commune a été frappée par un phénomène baptisé downburst. Tout commence par la chute d'une masse d'air froid au sol, au contact de l'air chaud ambiant. Il faisait près de 30 degrés ce soir-là. Le vent se déchaîne, c'est ce qu'explique à François Louis le météorologue amateur André Etienne. Il est aussi lancé ancien commandant des pompiers de Jodogne. Et donc cette rencontre des masses d'air ont provoqué des rafales, des micro-rafales extrêmement violentes. Il y a une accélération qui est produite, accélération qui peut se faire aussi dans des canalisations, je dirais, de terrain comme la vallée de la Jette qui est toute proche, avec des accélérations ponctuelles. Ce sont des micro-rafales qui peuvent atteindre des vitesses entre 150, 200. La littérature parle même de 270 km/h. Quand on voit les dommages aux structures du bâtiment telles que le hall omnisport, eh bien, ce ne sont pas des vents de 70 ou de 80 km/h qui peuvent engendrer ce type de démolition. Les résultats du CEB, le certificat d'études de base, ont été annoncés aujourd'hui. Un peu plus de 91% des 49 000 élèves de 6e primaire l'ont réussi. C'est 2% de moins que l'an dernier, mais cela reste dans les moyennes des années précédentes. Des épreuves certificatives qui ont pour objectif d'évaluer si tous les élèves francophones ont acquis la maîtrise des compétences attendues avant d'entrer en secondaire. Cette épreuve est donc la même pour tous, mais est-elle corrigée de la même façon pour tous? Élément de réponse avec Miguel Allot. Lors de la correction, les professeurs se réunissent par secteur, tout réseau confondu. Ils se répartissent les questions en chaîne de correction. Ils ne corrigent donc pas un examen complet. En théorie, ils ne peuvent identifier ni l'école, ni l'élève concerné. Les copies n'ont comme identifiant qu'une lettre et un numéro. Cela doit garantir un traitement identique à tous les élèves. Mais dans les faits, est-il vraiment souhaitable de corriger de la même façon toutes les copies? Marc-Antoine Polis est directeur au Paradis des enfants à Bruxelles. On est censé corriger de la même façon, c'est-à-dire qu'on a des critères, mais c'est vrai qu'on regarde un petit peu la copie et qu'en fonction des copies, on essaye d'être le plus objectif possible par rapport aux différentes copies. C'est-à-dire que, on a des écoles où on ressent qu'il y a certaines difficultés et c'est vrai que la structure de phrase, on fait attention, par exemple, on a une structure de phrase beaucoup plus complexe qu'on demande ici aux examens dans l'école, mais dans d'autres écoles, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Rappelons que le CEB sert à certifier que l'élève a bien les compétences de base en fin de sixième primaire, mais la réalité est que tous les élèves n'arrivent pas nécessairement avec le même bagage au moment de ces épreuves. Pas simple dans ce contexte d'établir des examens pour tous, qui seront de toute façon trop faciles pour les uns et difficile pour les autres. Le gouvernement britannique va créer un département spécial qui va commencer à travailler sur le Brexit. Le Premier ministre David Cameron, silencieux depuis l'annonce de sa démission vendredi, s'est exprimé tout à l'heure devant le Parlement. Écoutez-le. La Grande-Bretagne quitte l'UE, mais nous ne devons pas tourner le dos à l'Europe ou au reste du monde. La nature de la relation que nous aurons avec l'UE sera déterminée par le prochain gouvernement, mais je suis sûr que tout le monde est d'accord pour dire que nous voulons les liens économiques les plus forts avec nos voisins européens, ainsi qu'avec nos amis d'Amérique du Nord, du Commonwealth et les partenaires importants que sont pour nous l'Inde ou la Chine. Je suis sûr aussi que, quelle que soit la nature précise de la relation, nous voudrons poursuivre notre large coopération en matière de sécurité et faire tout notre possible pour influencer la prospérité et la sécurité de notre peuple. Et David Cameron a précisé que ce serait à son successeur de le faire. Le nom du prochain Premier ministre britannique sera connu d'ici le 2 septembre. Depuis les résultats du référendum, certains Britanniques se tournent vers les administrations communales pour s'informer ou demander la nationalité belge. C'est notamment le cas en région bruxelloise. Et parmi ceux qui s'inquiètent aussi de cette sortie de l'Union, il y a les étudiants. Quel sera l'impact du Brexit sur le programme Erasmus? À court terme, rien ne devrait changer. Ensuite, si le Royaume-Uni quitte vraiment l'Europe, cela dépendra. Des accords seront possibles, c'est déjà le cas, notamment avec la Turquie. Mais la principale crainte concerne la perte des bourses d'études. Jean-Claude Ennemi. Si le Brexit se concrétise, il faudra d'abord... Perte des bourses d'études. Jean-Claude Ennemi. Si le Brexit se accord, pourront préserver au moins une partie des avantages du programme Erasmus. L'un d'eux permet aux Européens d'éviter le droit d'inscription élevé des universités du Royaume-Uni. Christian Duquet, responsable des relations internationales à l'UCL. Aujourd'hui, l'étudiant belge qui a étudié en Angleterre, il payera des droits d'inscription équivalents à ceux des Anglais. On sait qu'ils sont très élevés, mais les barèmes pour des non-européens en Angleterre sont encore beaucoup plus élevés. À savoir jusqu'à 40 000 euros pour un an d'études dans certaines unives du Royaume-Uni. Un coût de nature à décourager les candidats comme Théodora, inscrite en première année droit à Namur. Je ne vais pas forcer mes parents à payer 40 000 euros alors que j'ai tous mes frères et sœurs derrière. Et s'ils veulent faire des études aussi, ça va les bloquer également. Un Brexit pourrait également entraîner des formalités administratives supplémentaires. Il pourrait aussi inciter certains étudiants anglophiles à préférer l'Irlande. Reste que des accords sont possibles, comme c'est déjà le cas avec certains pays non européens. Albert Renard, directeur de l'agence Éducation Formation Europe. Vous avez les trois pays qui sont le pays candidat, la Turquie, et puis le Liechtenstein et la Norvège, qui ne sont pas non plus membres des 28. Notons que les universités du Royaume-Uni ont déjà exprimé leur souhait de trouver des accords favorables à la mobilité des étudiants. En Espagne, le Premier ministre sortant, le conservateur Mariano Rajoy, espère conclure d'ici un mois un accord sur la formation d'un gouvernement disposant d'un large soutien. Son parti a progressé lors des législatives d'hier, mais reste loin d'avoir la majorité absolue. Les socialistes arrivaient deuxième et la formation centriste Ciudadanos ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas un nouveau gouvernement qui serait dirigé par celui qui est au pouvoir au pays depuis 5 ans. RTBF Mobile Info, des problèmes sur la E40, Claudine Fine. Oui, mais des problèmes qui sont finalement résolus, donc tout va bien sur la E40. Par contre, un accident s'est produit sur le 19 Anvers-Bruxelles à hauteur de Vilvoorde. La bande de gauche est encombrée, la circulation est ralentie depuis Melbrook en direction de Bruxelles. Sur le ring de Bruxelles, les ralentissements sont importants en circulation extérieure entre Grand Bigard et Autitre, avec 35 minutes à rajouter sur votre temps de parcours. Comptez 40 minutes de ralentissement entre Zaventem et Grand Bigard et 25 minutes entre le carrefour Léonard et Zaventem. Et enfin, en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, plus 20 minutes. Et entre Zaventem et le carrefour Léonard, plus 15 minutes. Et ça coince, comme d'habitude à cette heure-ci, dans la plupart des tunnels de la capitale. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobifo 0800 48 400. et l'Euro reprend ses droits avec vous, David, et toute l'équipe qui sont là, je les ai vus. Bien sûr, toute l'équipe de Bleu Blanc Diable, mais tout d'abord le journal des sports, et puis on va suivre ce match Italie-Espagne, pas de but pour l'instant, 6 minutes de jeu, toujours 0-0, un point sur l'info à 18h30, et puis le retour du journal à 19h. Vivacité, le journal des sports. Présenté par David Bertrand. Bonsoir David. Bonsoir David. Et donc, avant de revenir longuement sur cette victoire des Diables Rouges hier et de se projeter vers le Pays de Galles vendredi pour le quart de finale, David. Bonsoir David. Et donc, avant de revenir longuement sur cette victoire. Sur les courses lundi, dont deux déjà qualifiées. On détaille tout ça avec vous, Christian Quay. Vous êtes en direct. Bonsoir. Oui, une entrée dans le tournoi sans stress et un premier tour rondement mené par David Goffin. 6-2, 6-3, 6-2, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu ces petites difficultés souvent liées à chaque début de tournoi. Il faut s'adapter à l'adversaire que l'on ne connaît pas très bien, qu'il faut apprendre à connaître. Et cet adversaire qui tente souvent de jouer le match de sa vie parce que lui, il est mal classé, il rencontre une star. David Goffin, c'est une star. Et bien, c'est une star qui a réussi un très très bon match ici au premier tour, rien à dire. On ne connaît pas encore son adversaire au deuxième tour, ce sera soit le français Roger Vasselin, soit le russe Gabashvili. Et donc on a déjà deux Belges au deuxième tour, puisque Kirsten Flipkens s'est facilement qualifiée aux dépens de l'américaine Nicole Gibbs, 6-3, 6-1. Son avant-tournoi avait été un petit peu stressant puisqu'elle était arrivée à Londres sans ses valises, perdues par la compagnie aérienne, et qu'elle avait dû se faire prêter des vêtements par d'autres joueuses pour ce week-end. Mais les vêtements sont arrivés, tout est rentré dans l'ordre et tout s'est très bien. La suite des rencontres aujourd'hui, à noter également que Ruben Bemelmans s'est engagé dans son match contre Bellucci. Pour l'instant, c'est 2-7 partout, 2-2 dans le cinquième set et 30-30, égalité parfaite donc jusqu'ici. Le foot et l'Euro 2016 au programme de ce journal des sports, bien sûr David, et cette soirée parfaite hier soir, victoire et qualification pour les quarts de finale, dois-je vous le rappeler? Oui, les Diables Rouges qui sont rentrés à Bordeaux directement après le match hier, ils se sont entraînés cet après-midi, entraînement ouvert à la presse mais pas de contact prévu avec les médias ce lundi. Thierry Luters, bonsoir, vous êtes sur place, entraînement réservé aux réservistes ce lundi. Oui David, les Diables se sont entraînés cet après-midi au complexe du Haillan à Bordeaux. En réalité, seuls les réservistes d'hier, c'est la coutume à J+1 le lendemain d'un match, mais l'entraînement n'en a pas moins manqué d'intensité, avec tout d'abord un travail physique sous la houlette de Mario Inorato, et puis un petit match entre ceux qui aspirent à devenir titulaires peut-être face au Pays de Galles vendredi prochain à Lille. On pense notamment à Jason Donnayer, qui aura peut-être sa chance à saisir, vu la suspension pour abus de carte jaune de Thomas Vermaelen. Les autres sont restés à l'hôtel, et puis bien sûr les entraînements avec le groupe au complet reprendront dès demain, et jeudi déjà, la délégation s'envolera pour le Nord, pour Lille, afin de préparer au mieux notre quart de finale qui passionne la Belgique et les supporters belges, notamment vendredi soir à 21h face au Pays de Galles d'un certain Gareth Bale. Et puis carnet noir, hier soir on est véritablement passé d'une émotion à l'autre au sein de la Fédération de football, avec le décès particulièrement inopiné des Eric Reinhardt, 50 ans, il a été victime d'un arrêt cardiaque, il est décédé peu de temps après. C'est lui qui, en 2012, avait été le père fondateur de Fan Club 1895, la fédération des clubs de supporters de l'Union Belge. Molière était mort en scène. Eric Reinhardt est quasiment décédé dans un stade de football. Merci Thierry Duterte, en direct du centre d'entraînement des Diables. J'ajoute encore que Vincent Kompany a rendu hommage à Eric Reinhardt sur Twitter, avant d'ajouter que c'était en partie grâce à lui que Lille serait tout de rouge vêtu vendredi. On le sait, le match des quarts de finale face au Pays de Galles se jouera à Lille, dans le Nord, à quelques encablures seulement de la frontière belge. Un match à domicile, ou presque, pour les Diables. Écoutez à ce propos Thomas Meunier, suivi d'Eden Hazard. Non, je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose, puisque le nombre de places est attribué, on n'aura pas plus d'avantages que autre part. Mais bon, c'est vrai qu'on sera tout près de la maison, et voilà, j'espère que les supporters seront derrière nous. Ça tenait à cœur à Eden Hazard aussi, alors si ça l'inspire encore plus qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai qu'il était bon, il était très bon, comme pour moi la majorité du groupe. On commence vraiment à trouver un peu notre rythme, et chacun arrive à s'exprimer comme il le souhaite, donc voilà, c'est positif. Je pense que le Pays de Galles va penser à défendre, mais bon, on les connaît bien, on a déjà joué contre eux, donc voilà, on va bien regarder comment ils jouent. Ils ont de bons joueurs, ils sont difficiles à bouger, donc à nous à faire le maximum pour les bouger. C'est à Lille. Et en plus c'est à Lille, donc voilà, quoi de mieux. Dans un stade que vous ne connaissez pas. Non, que je connais pas du tout. J'ai déjà été deux fois, mais en tant que spectateur, j'ai jamais foulé cette pelouse, donc voilà, ce sera une première, et j'espère qu'elle se passera bien. La Belgique va jouer à la maison, là, non? presque à la maison. Lille, où Eden Hazard a joué 5 saisons, on s'en souvient évidemment, qui avait à cœur d'emmener les Diables dans le Nord. Mais Hazard, qui vient de le dire, il découvrira le tout nouveau stade Pierre Mauroy où il n'a jamais joué. C'était des interviews de Manuel Jousse et Thierry Duterte. Et puis pour terminer, sachez que l'Union Belge de Football a finalement écopé d'une amende de 5000 euros suite aux incidents du match contre l'Irlande. Il s'agissait de jets de fumigène. Et dans cet Euro 2016, ce soir, les deux derniers huitièmes de finale, David, et ce choc tout d'abord entre l'Espagne et l'Italie. Oui, le match a débuté depuis 12 minutes. Je sais que vous allez en parler longuement dans la suite de ce journal des sports. Le score est toujours de 0-0. C'est la revanche de la finale de l'Euro, il y a 4 ans, gagnée par l'Espagne. Les champions d'Europe en titre que respecte évidemment terriblement le gardien italien Gianluigi Buffon. L'Espagne s'est imposée comme l'une des grandes puissances du football mondial. Ils se sont renouvelés, Xabi Alonso ne joue plus par exemple, et il faisait partie des joueurs les plus importants. Mais il y a encore Iniesta, Silva, Morata, Busquets, etc. Ils sont toujours une équipe que vous devez craindre. On devra donc jouer proprement, nous devons être humbles bien sûr, mais nous devrons aussi être en mesure d'attaquer. Lorsque nous en aurons l'occasion, au cours des 90 ou 120 minutes, nous allons sûrement obtenir quelques possibilités. Nous jouons l'Espagne, une équipe qui nous a causé beaucoup de frustration au cours des dernières années, même si le seul match que nous avons vraiment perdu, c'était cette finale. Les autres étaient des matchs intenses qui se sont souvent terminés par un match nul. Donc nous voulons et nous allons essayer de jouer ce match comme les autres avant ça. Di fare gara come l'abbiamo fatta tutte le altre volte. Et puis à 21h, l'Angleterre affronte les valeureux Islandais. Tout ça à suivre évidemment sur tous les médias de la RTBF. Et puis dans quelques instants dans l'émission, Bleu, Blanc, Diable. Du foot encore, mais à l'étranger, et Lionel Messi et l'Argentine, c'est terminé. Et ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour entre le génial attaquant et son équipe nationale. Lionel Messi a ainsi annoncé la nuit dernière la fin de sa carrière internationale. Il n'a visiblement pas digéré une nouvelle défaite en finale, cette fois de la Copa América. C'était face au Chili. Une défaite qui le touche très très fort. J'y ai beaucoup réfléchi dans le vestiaire. Je vais arrêter ma carrière internationale. C'est un moment dur pour moi et pour toute l'équipe aussi. C'est très difficile. J'aurais tellement voulu ramener un titre de champion en Argentine, mais je m'en vais finalement sans y être parvenu. J'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu, mais on a encore perdu une finale. La 3e de suite, la 4e au total. Et cette fois-ci au tir au but, cela fait vraiment très mal de perdre comme ça. Visiblement, gagner un titre pour mon pays, ben c'est pas fait pour moi. Ma décision est prise. Sinon, c'est meilleur. Messi s'en va sans titre, mais il a tout de même marqué l'histoire de l'Argentine. Évidemment, il en est devenu le meilleur buteur de son histoire avec 55 réalisations. D'autres cadres argentins ont eux aussi sous-entendu qu'ils quitteraient probablement l'équipe. C'est le cas de Kun Agüero, de Lavezzi ou encore de Lucas Biglia. Et puis pour terminer, une petite info basket. Après Stephen Curry, c'est cette fois l'autre superstar de la NBA, LeBron James, qui renonce aux Jeux Olympiques de Rio. Il ne fait pas partie de la sélection américaine dévoilée aujourd'hui. LeBron James dit avoir besoin de repos après son titre arraché avec Cleveland il y a quelques jours. Ce forfait ne fait évidemment pas les affaires des États-Unis, tenant du titre et déjà privé de Stephen Curry, on en parlait, et de James Harden. Merci beaucoup David Bertrand. Voilà pour ce journal des sports. On l'a dit, le rappel des titres à 18h30 et puis le journal parlé à 19h. Et puis dans un instant, le début de notre nouvelle soirée Bleu Blanc Diable consacrée à 7 Euro 2016. On approche du quart d'heure entre l'Italie et l'Espagne et toujours pas de but, toujours 0-0. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanit, c'est samedi 25 et lundi 27 juin, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. L'enseignement de la province de Liège propose des stages de découverte. Tout pour la maison. Flémal, Liège, Herstal et Verviers. Réservation obligatoire, nombre de places limité. Plus d'infos sur mafutureécole.be/stage. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Envie de vibrer, envie de fou rire, envie d'info, envie de partager. Envie de rêver, envie de découverte. Où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. Chaque étudiant devait essayer de trouver un autre nom pour Bruxelles. Il y avait K.O. Bruxelles, il y avait la ville des places grises. Il y en a qui étaient super sombres, il y en a qui étaient super positifs. Si tu veux, l'objectif c'était d'écouter l'autre, ce qu'il avait à dire sur Bruxelles et trouver un nouveau nom pour Bruxelles. Il y en a beaucoup, c'était un gros mélange, mais le bordel et le gris et la pluie revenaient quand même assez souvent. C'est un peu Bruxelles aussi, ouais. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La Pro League, la coupe de du temps et peut-être une bicyclette en BA. Avec Véronique Thiou, si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité. Jusqu'à 23h sur Vivacité, l'équipe de Complètement Foot vous fait vivre un euro. Bleu, blanc, diable. Très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle soirée. La suite et la fin de ces huitièmes de finale. Bien sûr, tout à l'heure à 21h, ce match entre l'Angleterre et l'Islande. Les Bleus connaîtront leur adversaire donc pour la suite de cette compétition. Mais tout d'abord, c'est une finale avant la lettre. Et ce choc qui a déjà débuté il y a maintenant un peu plus d'un quart d'heure sur l'Italie et l'Espagne. 0-0, nous allons suivre cela au but par but avec Nordin Djbari qui nous rejoint dans un instant, notre consultant tout au long de cette soirée. Et bien sûr, Pascal Chimay. Bonsoir Pascal. Ciao Pascal. Bonsoir à tous. Comment ça va, Pascal ? Bah écoutez, très bien. Très bien. Après une bien. Magnifique soirée voilà. Vécue ensemble hier. Gros chapitre Diable Rouge, évidemment. Oui, débriefing, nos envoyés spéciaux, Thierry Luters, Manuel Jousse, comme chaque soir en direct. Des interviews aussi, la préparation déjà de ce quart de finale à la maison. Non, enfin, pardon, juste à côté de la maison, à Lille. On vous en parlera, reparlera tout au long de cette soirée. Vous allez intervenir aussi avec vos messages. 30-63, 50 centimes l'envoi. Hashtag CFootRTBF sur Twitter, bien sûr. Les habitudes de la maison complètement fous sont là. 070 246 040. On va vous donner la parole à froid après cette qualification pour les quarts de finale hier de notre équipe nationale. 070 246 045. Il y a énormément de choses qui se sont déjà passées dans ce match, énormément de choses qui se passent tout autour de la planète foot. On parlera Lionel Messi aussi, ouais. Qui a donc perdu une nouvelle fois une finale de Copa América hier avec cette séance de tir au but. Et puis dans la foulée, il a annoncé sa retraite internationale. Ben voilà, c'est une deuxième personnalité forte, hein. On peut le dire, bien sûr, de nos différents champions européens qui prend sa retraite internationale. National après Zlatan Ibrahimovic. Je sais que vous avez envie d'en parler, on en parlera tout à l'heure. Pascal Chimay avec Nordin Djbari de cette décision de Lionel Messi. Mais bien sûr, ce qui nous occupe tout de suite, c'est cette rencontre. Huitième de finale entre l'Italie et l'Espagne. Pascal Chimay, on l'a dit, on le répète, 0-0. Il s'est déjà passé énormément de choses. Ce sera l'occasion aussi de rappeler les compositions d'équipe de cette rencontre. Oui, 20 minutes de jeu au Stade de France qui est plein comme un œuf, hein, pour cette finale avant la lettre. Il pleut des cordes, c'est à signaler. Malgré tout, même si le soleil refait son apparition du côté de la région parisienne. 20 minutes de jeu, donc 0-0. Alors, avant de vous parler de tout ce qui s'est, et de vous raconter tout ce qui s'est passé dans ces 20 premières minutes, parce qu'il s'en est passé des choses, et de très belles choses d'ailleurs, la compo des équipes. Du côté de l'Espagne, c'est la même équipe, quasiment, depuis le début de la compétition. Du côté de l'Italie, Candreva est blessé, il y a un seul changement. Alors, l'Italie qui s'aligne avec l'équipe suivante, Buffon dans les buts, en défense, BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Rossi en numéro 6, fort proche de la défense. À sa gauche, Giaccherini. À sa droite, Parolo. Et puis, les joueurs de couloir, Deschiglio à gauche, Florenzi à droite. Et les deux attaquants sont Eder et Pelé. Du côté de l'Espagne, c'est l'équipe annoncée. Pas de changement hein, là-bas. Du côté de Vicente Del Bosque avec De Gea dans les buts. En défense, de droite à gauche, Juanfran, Piqué, Ramos, Jordi Alba. L'entrejeu, Cesc, Busquets, Iniesta. Les trois attaquants. À gauche, Nolito. À droite, Silva. Et l'attaquant central sera donc Alvaro Morata. Déjà autour de trois buts depuis le début de cet Euro. Alors, David, vous disiez hein, qu'il s'était passé énormément de choses dans ce début de match. Surtout au profit d'Italie. Hein. Alors, grosse occasion dans le premier quart d'heure. Avant de parler des occasions, quelques chiffres, parce que ça veut tout dire sur le début de ce match, sur le premier quart d'heure de cette rencontre. 53% de possession de balle. On a eu même des piques à 58. Pour l'Italie, en faveur de l'Italie, 88% de passes réussies pour l'Italie. Il y a eu des piques à 92%. 80% seulement de passes réussies pour cette équipe espagnole. Et au total, cette équipe italienne qui a couru beaucoup plus que l'Espagne depuis donc le début de cette rencontre. Ça, c'est rare. C'est rare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette Espagne est attentiste, qu'elle a été agressée dans son camp par l'équipe d'Italie. Maintenant, depuis 4 à 5 minutes, c'est en train de changer. L'Espagne a repris du poil de la bête. Mais durant le premier quart d'heure, eh bien, on n'a pas reconnu cette équipe espagnole. Par contre, l'équipe d'Italie, eh bien, elle a été à l'abordage de cette défense espagnole. Alors, tout a commencé déjà après 20 secondes de jeu. Un débordement de De Chilio sur le côté gauche. Il a pris le meilleur sur Juan Fran et il tente d'alerter Eder. De Gea est déjà vigilant. 5 minutes plus tard, une fois de plus, Eder qui a failli intercepter ce ballon. Et il prend le meilleur sur Busquets. Énormément de distance entre les lignes côté espagnol. Et les courses, les reconversions défensives qui ne se font pas, en tout cas depuis le début de la rencontre. Et puis la plus grosse possibilité à la 8e minute avec cette tête de Pelé, magnifiquement beauté, c'était un coup franc italien, tête de Pelé, qui prend le meilleur sur Busquets. C'est déjà le deuxième duel gagné par Pelé face à Busquets. Et là, il y a un arrêt, mais de toute grande classe, de David De Gea qui vient stopper, empêcher ce ballon de rentrer de la main gauche. C'est quasiment une claquette, mais au sol. Très compliqué parce que ce ballon a rebondi dans les 6 mètres juste devant la main du gardien espagnol. Et ça, c'est le premier arrêt de grande classe. 3 minutes plus tard, reprise acrobatique de Giaccherini sur le poteau. De Gea, là aussi, avait touché le ballon, mais l'arbitre avait sifflé au préalable une faute une faute offensive d'Eder. Et donc, voilà, cette frappe, cette retournée retournée acrobatique sur le poteau ne peut être avalisée. Avantage Italie sur cette entame de match, clairement, hein, Pascal. Oui, clairement, sauf que ici maintenant, depuis, je le disais, hein, depuis 4 à 5 minutes, la physionomie de la rencontre commence à changer. La pluie a sans doute cessé de couler. Il y avait des torrents de pluie qui se sont abattus depuis le début de la rencontre sur ce Stade de France. Maintenant, le soleil a refait son apparition et surtout la Roja joue un cran plus haut, mais ça manque de justesse malgré tout. On le voit à l'instant avec cette belle sortie de défense de Bonucci. On le sait, il est très très bon, balle au pied, Leonardo Bonucci. Et c'était une passe ratée d'Iniesta. C'est assez rare que pour être souligné. Pour le moment, les Espagnols ne sont pas dans le match. Oui, bientôt 25 minutes de jeu dans cette rencontre entre l'Italie et l'Espagne. Toujours pas de but, toujours 0-0. C'est l'équipe complètement foot qui va suivre avec vous, avec Nordin Djebari, notre consultant, bloqué sur la route, qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes, bien sûr. Et tout au long de cette soirée, on va suivre ces deux huitièmes de finale, avec Lise Burion aussi, qui va faire des points réguliers sur ce qui se passe dans ce match et en dehors de ce Stade de France. Et puis aussi, tout à l'heure, bien sûr, il ne faudra pas oublier ce dernier huitième de finale que la France entière attend pour connaître l'adversaire des Bleus entre l'Angleterre et l'Islande. Voilà pour le programme des rencontres ce soir, donc cette émission, nouvelle émission Bleu, Blanc, Diable en direct sur Vivacité, vivacité.be, le site sport de la RTBF. Vos réactions comme d'habitude, vos messages 30-63, là c'est 50 centimes le SMS, et puis sur Twitter, hashtag CFootRTBF avec Toff. Il y a deux Christophe qui interviennent en même temps. Il y a Hikmak Toff qui nous dit: cette Italie-Espagne aurait pu être la finale. Il y aura malheureusement un qui sortira ce soir. Bon match à tous, nous dit ce premier Toff, hashtag CFootRTBF. Et puis l'autre Toff qui nous parle de la finale déjà. Et je suis le seul à rêver d'une finale Italie-Belgique, point d'interrogation, histoire de boucler la boucle. Vous donnez votre avis, donc hashtag CFootRTBF sur Twitter. On va le répéter match par match. Et puis on en parlera tout à l'heure aussi. Il y a Karim qui a une grande pensée pour Eric Reinhardt, fondateur, vous l'avez entendu, hein, du club 1895, qui est décédé malheureusement d'une crise cardiaque à l'issue du match hier à Toulouse. Il avait été évidemment une des cheville ouvrière de ce club de supporters Division 95 qui réunissait tous les clubs de supporters en Wallonie, à Bruxelles et partout en Belgique. On aura une pensée pour lui tout au long de cette soirée dans cette émission Bleu Blanc Diable et toute l'équipe de Complètement Foot. On pense bien à sa famille, bien sûr. Vous réagissez en direct, la page Facebook de l'émission Complètement Foot-Vivacité, RTBF, et puis vos avis au 070 246 045. Pascal, je suppose que la nuit était courte hein, pour tous les supporters des Diables ouais. Rouges. Vous aviez déjà parler de ce quart de finale à Lille de vendredi. On a évidemment débriefé les points positifs et les points négatifs de cette merveilleuse soirée. On en reparlera tout au long de cette soirée aussi avec entre autres nos envoyés spéciaux Thierry Luthers, Manuel Jousse. Un petit mot sur la retraite internationale de Lionel Messi. Votre réaction quand vous découvrez l'info ce matin? On fera le débat de sa décision à chaud, pas à chaud. Fallait-il rester ou pas? Donner priorité à son club plutôt qu'à l'équipe internationale, c'est une à l'équipe nationale pardon et à la carrière internationale, c'est une des questions qu'il faut se poser certainement ce soir pour l'argent. Mais votre réaction quand vous entendez cette info? Mais ma réaction, c'est que je suis un peu stupéfait parce qu'elle arrive à chaud, même pas en conférence de presse, hein, vraiment voilà, juste après le match, une espèce de, d'interview d'après-rencontre. Donc déjà là, je suis mal à l'aise par rapport à ça. On a l'impression qu'au moment où il le dit, c'est quasiment un caprice, un petit peu un caprice d'un gamin à qui on a piqué un jouet et dit bah voilà, j'ai plus envie de rester dans la même pièce que vous parce que je sais pas si je vais recevoir à nouveau mon jouet. Vous parliez de l'annonce faite par Zlatan, elle a été faite avant le match, celle de Zlatan, et Zlatan a 35 ans, Lionel Messi en a 29. Il reste sur 4 finales perdues avec l'Argentine, certes, je peux comprendre la déception, mais Cristiano Ronaldo, pour ne parler que de lui, même s'il perd en équipe nationale, il se donne corps et âme pour son équipe nationale. Je suis vraiment très déçu par la décision en tant que joueur de Lionel Messi, mais surtout par sa décision en tant qu'homme. On en reparlera dans ce Bleu Blanc Diable, bien sûr, avec Pascal Chimé et Nordine Djbari qui nous rejoint dans les prochaines minutes. À tout de suite. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne, prix spectaculaire. Dis, tu m'accompagnes chez Cash Converters? Tu veux me vendre en seconde main? Oh, t'es bête. Non, je veux trouver un PC pour Hugo. Ok, bon plan ça. Chez Cash Converters, faites le plein d'objets de seconde main de top qualité. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cashconverters.be. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cash. Et ce vendredi toujours, profitez de coupons de réduction exceptionnels distribués dans l'hyper de 7h à 8h30 et de 19h à 21h30. Et dimanche, ouverture des boutiques de la galerie de 11 à 19h. h30 sur Vivacité, le rappel des titres, David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'actualité, c'est évidemment ce choc. Italie-Espagne, 8e de finale de l'Euro. On joue depuis une petite demi-heure au Stade de France et ça chauffe devant le but espagnol. L'Italie est bien dans la rencontre, mais c'est toujours 0-0 dans ce qu'on considère comme une finale avant la lettre. À 21h, l'Angleterre reçoit l'Islande. Ce sera là le dernier 8e de finale. Ce sera à Nice. Au lendemain de leur qualification face à la Hongrie, les Diables Rouges se sont entraînés aujourd'hui au Hayan de Bordeaux. 12 diables pour être précis. Les réservistes ainsi que Yannick Carrasco et Michy Batshuayi entrés au jeu et buteurs hier. Une réunion importante ce soir, 4 jours après le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Les dirigeants européens s'activent pour élaborer la sortie du Royaume-Uni. À Berlin, Angela Merkel reçoit le président français François Hollande et le président du conseil italien Matteo Renzi. Nous préfacerons cette rencontre dans le journal de 19h. Demain et pour 2 jours, un sommet européen post-Brexit s'ouvre à Bruxelles. Chez nous, le taux de réussite au CEB est tombé. Il est cette année de 91%. Plus de 9 élèves de 6e primaire sur 10 ont donc obtenu plus de 50% et en maths et en français et en éveil. Et puis un mot de Wimbledon. 4 Belges sur les courts londoniens aujourd'hui, à signaler notamment David, le premier tour sans souci pour un autre David. David Goffin, vainqueur en 3-7. Merci David Riffon, RTBF Mobile Info. Un point sur vos conditions de circulation cette fin de journée avec Claudine Fine. Bonsoir Claudine. Bonsoir David. Un accident s'est produit sur la E602 Lens-Saint-Chenay à hauteur de Angleur. La bande de droite est neutralisée en direction de Chenay. Un deuxième accident sur la E19 Anvers-Bruxelles à hauteur de Vilvoorde. La bande de gauche est encombrée et la circulation est ralentie en direction de Bruxelles. Sur le ring de Bruxelles, les ralentissements sont importants. Circulation extérieure tout d'abord entre Grand Bigard et Au Titre avec 35 minutes à rajouter sur votre temps de Parco. Comptez 40 minutes de ralentissement entre Zaventem et Grand Bigard et 25 minutes entre le carrefour Léonard et Zaventem. Et enfin, en circulation intérieure, ça coince entre Grand Bigard et Zaventem avec 20 minutes de plus. Entre Zaventem et le carrefour Léonard, 15 minutes. Et suite à un accident à hauteur de Haut-Pin, la bande de droite est neutralisée. Il y a des fils sur 3 km vers Ytre et ça coince, comme d'habitude à cette heure-ci, dans la plupart des tunnels de la capitale. Et Mobiris nous signale un véhicule en panne à Bruxelles à hauteur de la sortie du tunnel Rogier. La bande de droite est encombrée vers le midi. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bleu, blanc, diable. Sur Vivacité. Avec la suite de ce bleu, blanc, diable, une demi-heure de jeu entre l'Italie et l'Espagne. On y reviendra dans un instant avec Pascal Chimet. Toujours pas de but, toujours 0-0. Mais on l'a dit, avantage Italie hein, sur cette première mi-temps, sur cette première partie de première mi-temps. En tout cas, tout au long de la soirée, vous allez réagir après la qualification des Diables Rouges. Hier soir, bien sûr, pour ces quarts de finale. Rendez-vous vendredi 1er juillet, à côté de la maison, tout là, tout près de chez vous peut-être. En tout cas, le déplacement va être très très très court. Toutes les places sont vendues déjà. Vous le savez, il y a eu une nouvelle fois mise en vente des places en début d'après-midi sur le site officiel de l'UEFA. Il n'y a plus de place, tout est parti, alors qu'il reste encore des places pour l'autre quart de finale entre le Portugal et la Pologne. Évidemment, celui-ci à Lille, à côté de la Belgique, a beaucoup plus de succès. On vous donnera, on vous rappellera aussi les infos importantes pour peut-être aussi, qui sait, quand même faire le déplacement à Lille et vous rendre dans la fan zone lilloise qui va accueillir, à mon avis, énormément de supporters et vous accueillir, vous les supporters des Diables Rouges. 30-63, 50 centimes l'envoi tout au long de cette soirée. Hashtag c'est foot RTBF. On va vous parler d'un des plus grands joueurs de la planète, peut-être un des plus grands joueurs de tous les temps. Ça, on peut faire le débat à l'envi, bien sûr. C'est cette retraite internationale annoncée par Lionel Messi. Comment un ballon d'or et un tel joueur, alors qu'il y a but pour l'Italie, 1-0 pour l'Italie contre l'Espagne. On va vous décrire cette phase, s'arrêter au profit de la nationale et puis le but donc converti Pascal Chimet. Oui, ce n'est que justice hein, vu la domination de l'Italie depuis le début de la rencontre. 1-0 donc le but de Chiellini, l'homme que l'on n'attendait pas, ce but qui est venu sur une phase arrêtée, des suites hein, d'une phase arrêtée, un coup franc plein axe 22 mètres botté par Eder, donc il l'a tiré directement dans les buts. Il y a la déviation, on revoit hein, ce coup franc, il est plein axe. Il y a la déviation de De Gea qui ne capte pas ce ballon. On avait l'impression qu'il pouvait soit le faire sortir en dehors de la surface, le boxer, soit le capter. Il le relâche dans sa zone. Giacchellini plonge, il n'arrive pas à avoir le ballon, mais Chiellini est le plus prompt et donc du tibia gauche devant Gérard Piqué, il fait 1-0 et ouvre donc la marque dans cette partie pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur des tifosi qui ont rallié ce Stade de France, pour le plus grand bonheur aussi d'Antonio Conte. C'est vraiment le 12e joueur de cette équipe italienne. Il n'a cessé d'inciter, de coacher ses joueurs depuis la première minute, malgré la pluie qui s'est abattue sur ce Stade de France. 1-0 donc pour l'Italie face à l'Espagne, 35 minutes de jeu. Et vous réagissez en direct évidemment suite à cette rencontre, 8e de finale, finale avant la lettre, et l'Italie qui passe devant, c'est mérité. Pascal vous l'a dit, on le répète, 1-0 donc pour l'Italie contre l'Espagne, ce but de Chiellini. SMS 30-63, 50 centimes l'envoi, hashtag c'est foot RTBF. Tout au long de cette soirée, vous allez réagir. J'en reviens donc à un des sujets du bleu blanc diable de ce lundi soir, comment un ballon d'or. C'est Pierre-Manu Losfeld qui nous posait la question sur Twitter, un fidèle Pierre-Manu, et c'est vrai que la question est, je trouve, assez bien posée. Comment un ballon d'or tel que Lionel Messi ne peut-il être bon que dans la meilleure équipe et abandonné s'il n'a pas cette meilleure équipe à disposition? Ben, trouvez-vous ça normal, cette décision à chaud, certes hier, mais quand même, de Lionel Messi d'abandonner, parce que c'est comme ça aussi qu'il faut le dire, son équipe nationale, cette équipe nationale d'Argentine qui a vu d'autres talents passer avant lui et d'autres trophées remplir la vitrine de cette équipe nationale, bien sûr. Hein. Votre avis sur cette retraite internationale de Lionel Messi, d'accord ou pas d'accord, quelle était votre réaction? Vous réagissez donc aussi tout au long de cette soirée bleu, blanc, diable, 30-63, 50 centimes l'envoi, hashtag CFootRTBF sur Twitter, 070-246-045. On en revient aussi, bien sûr, à nos diables rouges. Après cette qualification hier pour les quarts de finale, on vous demandera ce que vous avez fait, comment vous avez vécu hier cette qualification, nuit courte, quel est le programme pour les heures et les jours suivants. On en parlera dans un instant avec notre consultant Nordine Jbari et aussi donc ici en studio Pascal Chimay. On vous l'a dit, on vous l'a fait vivre pratiquement en direct avec Pascal qui suit aussi attentivement ce match, bien sûr. L'Italie qui mène 1-0 contre l'Espagne, ces deux huitièmes de finale, de dernier huitième de finale de cet Euro 2016 que nous allons suivre ce soir au but par but avec Lise Burion. Bonsoir Lise. Bonsoir tout le monde. On l'a dit, ben, évidemment, domination méritée de ces Italiens qui s'est donc converti par un but. Bah but oui, hein, ils ont bien dominé le début de match, hein, les Italiens. En une minute, ils étaient déjà venus deux fois dans le grand rectangle espagnol au tout début de la rencontre. Donc cette équipe résolument tournée vers l'offensive aujourd'hui et qui a fait sauter le verrou il y a de cela quelques minutes. Hein, donc Pascal, vous l'avez déjà expliqué à nos auditeurs. Mais c'est donc 1-0 pour l'Italie. Ce but de Giorgio Chiellini, le défenseur central qui marque son premier but dans cet Euro. Il a bien profité de la défense trop statique des Espagnols suite à ce coup franc d'Eder, donc bien repoussé par le gardien espagnol. Mais donc oui, défense trop statique, les Italiens étaient là au bon endroit. Chiellini propulse ce ballon dans les filets espagnols, 1-0 donc. Un beaucoup aussi de Conte qu'il avait laissé au repos, hein, Chiellini contre l'Irlande. Voilà, il était frais, il est plus tout jeune, mais il était frais dans le grand rectangle là où il fallait. 1-0 pour cette équipe italienne séduisante aujourd'hui. Elle avait peut-être posé beaucoup de soucis aux Belges pour le match d'ouverture des Diables dans cet Euro, mais elle n'avait pas proposé un gros jeu spectaculaire. Mais alors aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, hein. Ils dominent ces Italiens, ils sont bien dans leur match et voilà, c'est 1-0. Maintenant les Espagnols vont devoir sortir et ça ne va pas être évident face à cette squadra azzurra, même si ici ils viennent de concéder un corner un petit peu bête, on va le dire comme ça. Mais oui, les Espagnols vont devoir sortir maintenant face aux Italiens. On va voir s'ils en ont dans les tripes, hein, ces Espagnols, parce que pour l'instant, ils n'emmènent pas large. Après 38 minutes de jeu, 1-0 pour l'Italie. Avec Lise Burion, tout au long de cette soirée bleu, blanc, diable, nous suivons donc ces huitièmes de finale au but par but. Vos messages, vos commentaires, 30-63, 50 centimes l'envoi. Il y a Karim qui ajoute une petite note pour le coaching de Conte. Ils vont devoir s'habituer à Chelsea, hein. Gestuel, consigne non-stop, ça veut leur changer de heading entre autres. Hashtag c'est foot RTBF. Et puis ce message d'Emery qui nous ramène évidemment ce bonheur hier soir de qualification et surtout la prestation d'un homme, d'un seul homme et de toute son équipe bien sûr, mais de notre capitaine Eden Hazard. Le génie Hazard encore frappé. J'ai vraiment passé une belle soirée avec le hashtag une belle, bien sûr, pour vous les fidèles sur Twitter. C'était H-U-N-B-E-L. Une belle soirée. Quel génie Eden. Hashtag c'est foot RTBF. Vos commentaires tout au long de cette soirée et débriefing encore de cette qualification hier dans la suite de ce bleu blanc diable. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. Et le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes larmes, qui dans mes larmes. Amir sur Vivacité, j'ai cherché. Bleu, blanc, diable sur Vivacité. Toujours 1-0 pour l'Italie à l'approche de la mi-temps contre l'Espagne. On y revient dans un instant. Nordine Jbari nous rejoint. Salut Nordine. Salut David, salut Pascal, bonjour tout le monde. Courte nuit évidemment après cette qualification hier. Oui, non, bah écoutez, on était tous contents quand même. Sur la route, vous avez vu pas mal de supporters des Diables, si j'ai bien vu sur vos réseaux sociaux. J'ai été bloqué un petit peu hier, mais quand on est bloqué de cette manière-là, c'est toujours agréable. Les gens, ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont contents. Et partagez votre joie hier, bien sûr, de cette qualification pour les quarts de finale de cet Euro 2016. On va y revenir à cette soirée folle des Diables Rouges avec Nordine, avec Pascal Chimay, 30-63, 50 centimes l'envoi, hashtag c'est foot RTBF. Et puis on reparlera, Nordine, de cette info importante pour la planète foot avec Lionel Messi qui a annoncé sa retraite internationale, qui ne jouera plus avec son équipe nationale d'Argentine. Nouveau point donc dans ce match entre l'Italie et l'Espagne. Toujours 1-0 pour les Italiens. Pascal Chimay. 43e minute de jeu, toujours, donc vous venez de le dire, 1-0, ce but de Chiellini. Vous savez que ce but de Chiellini est le premier encaissé par l'Espagne en match à élimination directe depuis 2000. Ah ouais. Et ce fameux match face à l'équipe de France à l'Euro 2000, organisé par la Belgique et les Pays-Bas, et ce but de Djorkaeff. Donc ça fait 16 ans que l'Espagne n'avait pas concédé de but en match à élimination directe dans un Euro. Et l'Italie qui termine cette première période à l'attaque avec ce centre raté de Florenzi. Mais honnêtement, il y a énormément d'espace depuis le début du match dans cette défense espagnole. Et même au niveau de la justesse des passes, au niveau même des gestes techniques quasiment élémentaires pour des joueurs de ce calibre, on ne reconnaît pas l'Espagne en cette première mi-temps. On ne reconnaît pas l'Espagne, mais sans doute à cause du jeu proposé par l'Italie, Pascal Nordine. Oui, les Italiens, on les connaît, l'organisation et puis l'agressivité positive, puis ils défendent vers l'avant, ils vont chercher les joueurs espagnols, on l'a vu, on le voit là à la télé, ils vont chercher des joueurs comme Iniesta, ils n'attendent pas. Et puis derrière, bon, c'est pratiquement la défense de la Juventus qui est habituée à jouer ensemble. Donc, à mon avis, c'est quand même le scénario au petit pont, là. Hein. Le petit pont, c'est le scénario rêvé pour l'Italie, ça. C'est tout un symbole, ça. Et on l'a dit, c'est vous les auditeurs qui le faisiez remarquer, on voit chaque fois le 12e homme, hein, Antonio Conte sur le bord du terrain. En télé, on le voit juste au bord de l'écran. Ouh. Faire des gestes et évidemment des consignes permanentes. Nouvelle occasion, en tout cas opportunité pour l'Italie, Pascal. Bah donc on vous narrait, tout un symbole, ce petit pont de De Rossi qui est quasiment le deuxième relanceur de cette squadra. Le numéro 6 mais quasiment défenseur central. Il récupère le ballon, ou plutôt il ne le perd pas. Il y avait un pressing espagnol, deux joueurs, petit pont sur Iniesta, et puis là la traction avant a été enclenchée et c'est Giacchellini qui récupère ce ballon sur le flanc gauche. Il rentre dans le rectangle, il se met sur son pied droit, le ballon est enroulé et il y a un arrêt splendide de Rea qui donne un coup de coin qui ne donnera rien. Une minute de temps additionnel dans cette première période dominée de la tête et des épaules par l'Italie. Impressionnante cette équipe italienne dans cette première mi-temps en Nordine. Oui, impressionnante parce qu'on le disait, on a arrivant ici, il y a une organisation, il y a un plan de jeu, ils savent contre qui ils jouent, ils savent que c'est normalement l'Espagne qui va avoir normalement une possession de balle. On les voit, ils n'ont pas peur, hein. C'est quand même des joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui connaissent l'ADN de la victoire, même s'il faut quand même attention, hein, rester calme parce que l'Espagne a quand même quelques qualités, on le voit ici peut-être, mais je le dis et je le répète, c'est le scénario rêvé pour les Italiens et pour Conte qui a ce plan là de normalement de défendre un petit peu et de peut-être sortir en contre. Et on voit ça discute encore cette petite précision des gestes à faire, du positionnement, c'est incroyable, hein, ce souci de la perfection aussi du côté italien. 1-0 c'est le score à la mi-temps donc est sifflé, Pascal. Oui, on voit à l'image De Rossi en train de râler sur voilà, il y a des détails, ils ont raté une passe, ils étaient mal positionnés et donc on discute, c'est le coach aussi sur la pelouse, hein, De Rossi qui est le relais d'Antonio Conte, et puis il y a cette défense. Un chiffre, parce que des fois quand on parle de l'Espagne, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 53% de possession de balle pour l'Espagne en première mi-temps, 47% pour l'Italie, c'est très très peu, on a rarement vu ça dans le chef des Espagnols. Et alors le chiffre qui résume à lui tout seul la domination italienne, 85% de passes réussies pour l'Italie contre 84% pour l'Espagne. J'ai rarement vu une équipe espagnole, en tout cas en première période sur une mi-temps, avoir un pourcentage de possession de passes réussies inférieur à son adversaire, qui reste l'Italie, hein, je veux dire en tout bien tout honneur, c'est pas l'Allemagne, c'est pas une équipe comme le Portugal, non, c'est l'Italie. Avec l'Italie qui mène donc après 45 minutes de jeu 1-0 contre l'Espagne. Vos réactions, on va suivre ce match et c'est avant-dernier huitième de finale parce qu'il y en aura encore un autre. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, Angleterre-Islande en votre compagnie, bien sûr, avec Pascal Chimay, avec Nordine Nejbari. Vous vous posez souvent la question dans les matchs spéciaux Diable Rouge. On est à la mi-temps. Les solutions pour l'Espagne, Pascal, selon vous? Les solutions, c'est de jouer simplement plus... déjà rentrer dans le match et jouer plus vite. C'est de jouer plus vite, de resserrer les lignes, parce que il y a quand même il y a un boulevard, hein, horizontal, même pas vertical. Il y a deux boulevards sur les flancs. Et là, systématiquement, les latéraux se font prendre derrière, enfin dans leur dos, plutôt surtout sur le flanc droit. Juan Fran qui n'est que l'ombre de lui-même en ce début de match. Alors il y a un boulevard au niveau de la latéralité entre le milieu de terrain et la défense. Et donc là, les Italiens qui se projettent très vite occupent très bien ces espaces-là. Il y a ces fameux, ce qu'on appelle en Italie la mezza, là. Ce sont ces joueurs de couloir intérieur. Parolo d'un côté, Giaccherini de l'autre, et qui ne donne pas de réelle position à l'adversaire. Et c'est assez important. Oui, mais je pense que tout simplement, vous avez parlé de statistiques de possession de balles. Je crois que c'est le point que l'Espagne doit changer en deuxième mi-temps. C'est leur jeu, c'est leur ADN. Ils doivent avoir de nouveau cette possession de balles. Et là, même s'il y a un plan de Conte pour jouer sur les côtés, dans le dos justement des deux latéraux, ben là, il ne pourra plus le faire puisqu'il n'aura pas le ballon. Je veux dire, on ne peut pas chaque fois demander le ballon si on n'a pas le ballon. Donc, c'est surtout la concentration, retrouver l'ABC du jeu espagnol, retrouver, comme on l'a dit là tout à l'heure, un joueur comme Iniesta, qui normalement va monter en puissance, à mon avis, en deuxième mi-temps. Donc, c'est-à-dire diminuer son déchet avec lequel on n'est pas habitué. Et je pense que ça ira un petit peu mieux. Maintenant, ça ira mieux dans le jeu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller marquer ce but, parce que ça, c'est quand même la force italienne, savoir garder un score avec une grande défense et puis avec un grand gardien, Buffon, même s'il est un petit peu âgé, il reste quand même un des grands gardiens dans le monde. Ouais, ce huitième de finale, donc Italie-Espagne 1-0. C'est le score à la mi-temps que nous suivons donc tout au long de cette première partie de soirée dans ce bleu-blanc-diable. Jusqu'à 23h sur Vivacité, l'équipe de Complètement Foot vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec vos réactions, vos SMS, 30-63, 50 centimes l'envoi, hashtag CFootRTBF, on en reviendra, on vous reparlera aussi de Lionel Messi, je vous l'ai annoncé, on entendra l'avis de Nordine Djbari dans la suite de ce bleu, blanc, diable, mais bien sûr, on va vous parler des Diables Rouges, avec tout à l'heure nos envoyés spéciaux Thierry Luters, Manu et Jousse qui nous rejoindront, là aussi pour le débriefing de cette journée, les réservistes hein, qui se sont entraînés, les titulaires qui sont restés à l'hôtel, il n'y a pas eu de contact avec les médias prévus aujourd'hui, mais donc forcément nous projetons avec vous vers ce quart de finale de vendredi le 1er juillet à Lille à 21h face au Pays de Galles. Ben, c'est le jardin d'Éden, évidemment toutes les formules ont été trouvées pour la prestation d'Eden Hazard hier, mais en se projetant déjà sur ce match à la maison pour les supporters, mais quelque part aussi à la maison pour Eden Hazard, même si on le rappelle il n'a jamais joué dans ce nouveau stade. On l'écoute tiens, justement à propos de notre adversaire le Pays de Galles et ce fameux stade de Lille, c'était au micro hier après la rencontre de Thierry Luters. Je pense que le Pays de Galles va penser à défendre. Mais bon. Et ce fameux stade de Lille, c'était au micro hier après la rencontre de Thierry Luton. Bons joueurs, ils sont difficiles à bouger, donc à nous à faire le maximum pour les bouger. C'est à Lille. Et en plus c'est à Lille, donc voilà, quoi de mieux. C'est un stade que vous ne connaissez pas. Non, que je connais pas du tout. J'ai déjà été deux fois, mais en tant que spectateur, j'ai jamais foulé cette pelouse, donc voilà, ce sera une première. Et j'espère qu'elle passe. Tous les deux, vous restez sur votre impression d'hier avec autant d'enthousiasme sur ce que notre capitaine a proposé hier pour nous qualifier face aux Hongrois. Oui, en tout cas, par rapport à la prestation individuelle d'Eden Hazard, moi, je reste sur la même position et sur la même vision que j'ai eue hier soir. Je veux dire, ça, on ne lui enlèvera pas. C'est-à-dire que tu joues contre la plus mauvaise équipe du monde ou la meilleure équipe du monde. Il faut prester, il faut être bon. Il l'a été. Et croyez-moi, on n'a pas joué contre la plus mauvaise équipe du monde. Hein. On a joué contre une bonne équipe, mais qui a simplement accepté le jeu et a voulu jouer aussi. Donc, il y avait un peu plus d'espace, ça c'est certain. Il y a plus d'espace qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien les Espagnols ont des difficultés, mais pour faire une prestation comme ça, il faut être prêt et il faut être costaud. Donc non, aucune, comment dirais-je, même si on va en reparler, il faut redescendre les pieds sur terre, pour la prestation de Nainggolan, de Eden Hazard, de Courtois, on peut être que content. Pascal ? Oui, bah, moi je ne retiens rien à tout ce qu'on a dit hier soir. Bah, la Hongrie a été le sparring partner idéal. Alors si elle avait joué peut-être un peu plus défensif, elle aurait sans doute perdu aussi, parce qu'on était de loin supérieur à cette équipe. Mais il ne faut pas non plus maintenant pavoiser et se voir plus beau que ce qu'on est réellement. Hier, tout s'est bien passé pour nous. C'est une équipe qui... L'adversaire a fait en sorte que l'on se sublime face à lui, parce qu'il nous a donné des possibilités. Il s'en est créé aussi. Et là, je dois dire qu'on doit quand même revoir ce match sous un autre prisme. C'est ce que va faire Marc Wilmots et son staff pour le montrer à ses joueurs et dire voilà, toutes les choses qui ont été très très bien, vous les connaissez. Maintenant, il faut attirer votre attention sur d'autres choses, parce que le Pays de Galles ne nous laissera pas ces espaces-là. Le Pays de Galles ne va pas se projeter un peu foufou. Non, ils vont sans doute nous attendre. Et c'est eux qui vont jouer le contre avec des joueurs comme Bale. Ce sont eux qui vont jouer des contres. Or, on a vu hier qu'on a eu, nous, beaucoup de contres face à cette équipe, et que Marc Wilmots l'a souligné très justement à l'interview d'après-match. On les a mal joués, surtout en première mi-temps, ces contres. Là, on a manqué de justesse, parce qu'on s'est laissé peut-être envahir par cet élan. Après, on ne va pas bouder notre plaisir. C'était de l'aveu de la plupart des observateurs internationaux, le plus beau match à vivre pour un spectateur neutre de cet Euro. On a vu le vrai visage d'Eden Hazard en équipe nationale. Il a emmené tout le monde. Nainggolan a été très très bon. Énorme. Même De Bruyne, un peu plus effacé, mais dans ce rôle-là, a été bon aussi dans le passing. Mais Nainggolan a été très très bon. Et n'oublions pas quand même que quand vous avez un gardien de la trempe de Thibaut Courtois... Souvent, ça va quand même. Ça va quand même mieux. On est content qu'il revienne aussi à son niveau, parce qu'on a vu à la fin les matchs amicaux après sa blessure, il était un petit peu moins bien, un petit peu, hein, pas mauvais, un petit peu moins bien. Et là, c'était de nouveau le Courtois que tout le monde connaît, le Courtois de l'Atlético Madrid finalement, qui est revenu et qui a fait une grande saison à Chelsea, la deuxième un peu moins bien, mais ça c'est toute l'équipe, plus sa blessure. Et qui pour remplacer Thomas Vermaelen dans ce quart de finale, on vous posera la question dans les prochaines minutes, dans la suite de ce Bleu Blanc Diable. Nordin Djbari, Pascal Chimet, répondez aussi à cette question, bien sûr, par SMS 3063. Il y a Abdel qui nous dit la Belgique impressionnante, hein, l'Italie solide, l'air a fait souffrir la France, et dire le niveau aussi du groupe dans lequel ils étaient, ce fameux groupe E qui a vu donc la qualification des Italiens et des Belges. Les Belges donc en quart de finale déjà, les Italiens un pied peut-être déjà dans la suite de cette compétition, on vous le rappelle. Oui, ils mènent 1-0, 1-0 contre l'Espagne avec ce but de Chiellini. Donc il n'y a rien de fait. Hein. Et c'est Pascal, qui vous le dit. Dans un instant, les infos de 19h, à tout de suite. J'ai abandonné la France pour habiter à Bruxelles, mais il y a 40 ans, je ne suis pas une primo-arrivante. J'adore Bruxelles, j'adore les Bruxellois surtout. L'autodérision, juste le fait de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas se prendre la tête. mais voilà, on n'est pas... je dis on parce que j'ai changé de nationalité, donc on n'est pas des colériques, on est des gens... voilà, c'est Bruxelles. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Envie de fou rire, où, quand et comme je veux. Nous terminons la semaine presque sérieusement. Laurence Bibot pour le café serré. Pour ce grand cactus. RTBF Ovio, l'humour où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. Du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, toutes les dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Lorides. Tip top. 6 jours. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau. Vous serez des millions à suivre les Diables pour l'Euro 2016. À filmer ces instants de joie, d'émotion et de fête. En famille, entre amis ou en solo. Devenez peut-être les héros de notre documentaire Les Diables et moi, en envoyant vos meilleurs moments vidéo pendant l'Euro sur la page Facebook RTBF Sport. Enflammez le supporter qui est en vous. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Avez-vous toujours rêvé d'une vie en mer? Rendez-vous les 1er et 2 juillet à la base navale de Zeebruges à l'occasion des Navy Days. Montez à bord de navires belges et étrangers de haute technologie et découvrez des métiers passionnants. La Composante Marine, une entreprise internationale dans un monde maritime en pleine évolution. Plus d'infos sur 1000.be. Tous les ans, Pascal part en Écosse. That's right, I do. Pour un stage de cornemuse. Et Pascal oublie de jouer au loto. Oh, God damn it, c'est pas vrai. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Il est 19h. David Riffon, bonsoir à tous. En football, les deux derniers huitièmes de finale de l'Euro, c'est ce soir. Une rencontre est d'ailleurs en cours. Italie-Espagne au Stade de France à Saint-Denis. C'est la pause et le score est de 1-0 pour les Italiens. Les Italiens qui ont marqué via Chiellini, qui a repris un coup franc d'Eder, mal repoussé par le gardien espagnol David De Gea. Angleterre-Islande, ce sera le dernier huitième de finale. C'est à 21h et c'est à Nice. Au lendemain de leur qualification pour les quarts de finale, les Diables Rouges ont repris le chemin de l'entraînement au Haillan à Bordeaux aujourd'hui, en tout cas certains d'entre eux. 12 Diables étaient présents sur le terrain, dont Michy Batshuayi et Yannick Carrasco, entrés au jeu et buteurs contre Hongrie hier soir, ainsi que Moussa Dembélé, qui était blessé à la cheville ces derniers jours. Et puis encore merci, vous étiez plus d'un million, ainsi que Moussa Dembélé, qui était blessé à la cheville ces derniers jours. Et puis